Chers collègues, bonsoir. Je vous propose de procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, présent. Elham Chahir, Édouard de Noël, Émilie Trigouari, Vassin Doucissé a donné pouvoir à Mariem Diop, Djongi Biro, Hissène Ounissi, Yasmina Sadoud a donné pouvoir à Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akour, Merlane Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, M. Gabin a donné pouvoir à M. De Noël, Mariem Diop, Kaline Tribic, Amit Chahir, Mamadou Sila, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt m'a donné pouvoir, Mohamed Génan, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Silly et Solène Lebourris a donné pouvoir à Laurent Jamais. Donc je vous propose de désigner un secrétaire de séance, Manon Chrétien, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Nous n'avons pas de demande d'intervention du public. Nous avons une question orale qui nous est posée par Madame Desbordes-Silly. Et je retire deux points à l'ordre du jour, les points 19 et 20 qui ont fait l'objet d'un débat en CST il y a quelques jours maintenant, qui, bien que ces deux délibérations aient été approuvées par l'ensemble des membres représentant la collectivité territoriale, les syndicats ayant effectivement émis des réserves, nous redébattrons de ça avec les syndicats prochainement. Et donc ces deux points sont retirés de l'ordre du jour. Premier point à l'ordre du jour, procès verbal du CM du 3 octobre 2024. Des remarques, Madame Desbordes-Silly. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je n'ai pas de commentaires sur le procès verbal, mais je voudrais relever, avant de commencer cette longue séance, la diminution du nombre de conseils municipaux cette année. En moyenne, il y avait 8 à 9 séances du conseil. De conseil depuis 2021 et cette année vous n'en avez convoqué que 6, juste au-dessus du minimum légal qui est de 4 conseils municipaux par an. Les conseils sont moins nombreux donc ils sont plus denses. Ce soir nous allons examiner 44 délibérations qui pour la plupart sont très techniques et décisives pour la ville. Ça suppose un travail d'analyse important en amont dans un délai très contraint puisque je rappelle que nous, groupe d'opposition, n'avons que 5 jours francs pour examiner l'ensemble de ces délibérations. La baisse du nombre de conseils ne favorise ni la délibération collective ni le débat contradictoire. Alors certains y voient un signe d'opacité ou de désorganisation. Nous y voyons plus prosaïquement un lien avec l'obligation faite aux membres de votre majorité d'y participer pour percevoir leurs indemnités de fonction. Néanmoins, je ne commenterai pas ça. Je vous interromps, mais je ne commenterai pas. Il suffit de regarder la liste des présents à toutes les réunions. Pardon, je vous taquine. Ne le prenez pas mal. Nous aimerions qu'en 2025, vous recouriez ou vous reveniez à une fréquence plus régulière de conseils pour un meilleur exercice de la démocratie locale. Alors, effectivement, vous avez raison. L'obligation légale est d'un conseil municipal par trimestre. Nous en avons eu beaucoup par le passé. Nous n'en avons que 6 cette année, donc on est au-dessus de l'obligation légale. Et je ne vais pas commenter la question. On a beaucoup de réunions. Force est de constater que depuis que nous avons délibéré en juillet sur le présentéisme, nous sommes beaucoup plus nombreux aux réunions, donc c'est plutôt positif. Après, on peut considérer que c'est dommage de mettre en place un tel système pour que les gens soient présents. Et l'engagement que je peux prendre ce soir, c'est de revenir à un rythme de conseils municipaux plus accru l'an prochain pour avoir des séances qui soient un peu moins touffues, on va dire. Voilà, donc on va essayer de revenir à 8 ou 9 conseils municipaux, ce qui amène aussi à avoir un rythme de travail en interne plus élevé, plus soutenu. Voilà, puisque le travail interne, forcément, a des répercussions sur ce qui est présenté ici. Donc on fera en sorte d'avoir davantage de conseils municipaux et on va demander à la direction générale et à la direction d'administration générale de retravailler le calendrier de travail pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Vionnet? Oui, je souhaitais aussi profiter, bonsoir à tous et à toutes, de cette première délibération pour revenir sur les instances préparatoires au Conseil municipal, qui sont notamment les commissions. En ce qui me concerne, je suis membre de deux commissions, la commission 1, disons finances pour aller vite, et la commission 2, urbanisme pour aller vite. Lors, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir en conférence des présidents, donc je le refais en conseil municipal. La dernière commission numéro 2, où votre premier adjoint chargé de l'urbanisme était cette fois-ci présent, nous avons assisté à un échange un peu vif pendant plusieurs minutes avec le président de la commission, ce qui a amené le président de la commission, Jean-Claude Oliva, à lever cette séance. Du coup, ça a amené à reprogrammer une commission. Moi, en tant qu'élu municipal, pourtant non indemnisé, j'ai accepté bien volontiers que nous revenions en commission le lendemain. Mais je pense que les commissions, c'est des instances de travail. D'abord, à la base, elles ne sont pas publiques. Elles visent à examiner les délibérations en préparation du conseil municipal. On sait bien depuis plusieurs années que votre majorité municipale est tiraillée, pour le dire pudiquement. Mais je pense que ça ne devrait pas impacter sur le fonctionnement des commissions municipales, parce que s'il y a des débats, ils doivent s'exprimer en conseil. Et je pense qu'il n'est pas très sain que les commissions, qui sont des instances de travail, deviennent des instances de tension politique et où le modeste membre de l'opposition que je suis assiste au tiraillement interne à la majorité. Vous avez complètement raison, et je vais vous redire ce que j'ai dit en commission. Il y a suffisamment de bureaux municipaux pour que les élus se disent ce qu'ils ont à se dire en bureaux municipaux. Et je ne peux qu'inviter les membres de la majorité municipale à faire part de leurs remarques en bureaux municipaux. Alors c'est sûr que du coup, les bureaux municipaux durent moins longtemps, mais je pense que l'organe de travail d'une majorité municipale, c'est le bureau municipal. Alors, qu'on a des choses à dire, on le dit dans cette instance-là. Donc vous avez raison, la commission municipale n'est pas le lieu adapté à cet effet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le PV ? Donc je peux passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Point numéro 2, contrat de ville, annexe Bagnolet. Cédric. Merci, monsieur le maire. Je propose de faire une présentation pour cette délibération et la suivante. Vas-y. Qui sont reliées. Donc nous allons entamer. La suivante, c'est la GUSP. La suivante, c'est la GUSP, effectivement. Nous allons entamer ce conseil municipal avec un dossier extrêmement important pour le développement de la ville via le prisme social. Il s'agit ce soir de parler et d'approuver le nouveau contrat de ville 2024-2030 intitulé Engagement quartier 2030. Le contrat de ville est l'instrument permettant la mise en œuvre de la politique de la ville qui a pour but de restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers les plus pauvres, de réduire les écarts de développement au sein des communes, d'améliorer les conditions de vie des habitants. Comme vous l'entendez, l'enjeu est énorme pour beaucoup de nos concitoyens qui peuvent subir, par exemple, le chômage, les décrochages scolaires, un cadre de vie dégradé. Nous sommes donc dans le concret social avec le contrat de ville. Cette politique s'appuie sur deux jambes, le droit commun et les crédits spécifiques, dont l'appel à projet, qui est la lettre de cadrage émise par la préfecture. Pour 2025, les orientations sont le renforcement de la sécurité et l'amélioration de la tranquillité publique. Deuxièmement, la lutte contre la ségrégation scolaire. Troisièmement, le soutien de l'insertion professionnelle. Et quatrièmement, le soutien lié aux enjeux de santé. Toujours concernant le volet spécifique, Bagnolet fait partie des rares villes en France dont le périmètre des QPV a été augmenté, et notamment dans le quartier des Coutures, permettant l'intégration officielle de son centre socio-culturel, le dernier qui n'y était pas. Aujourd'hui donc, tous les centres socio-culturels de la ville bénéficient de la politique de la ville. C'est une excellente nouvelle et je tiens à féliciter toutes les équipes administratives derrière cette réussite. Je finirai avec quelques mots sur la GUSP et la TFPB. La GUSP, la gestion urbaine et sociale de proximité, est un outil essentiel à l'amélioration du cadre de vie. Les habitants y sont associés via, par exemple, les conseils de quartier. Une charte signée par l'État, Est Ensemble, la ville, les bailleurs, encadre son fonctionnement et permet de piloter finement les financements des bailleurs qui bénéficient en retour d'une exonération de TFPB. Cette manne financière doit être suivie avec attention particulière car elle agit fortement sur la vie des habitants via de multiples actions ou projets. D'ailleurs, depuis ma reprise de responsabilité sur ce sujet suite à la démission d'Olivier Tarabella, une réunion de contrôle a été mise en place et saluée par la représentante de la préfecture pour son professionnalisme. Là aussi, je tiens à remercier à nouveau les services qui sont derrière cette réussite. Cette instance permet de discuter des fléchages et des pourcentages d'exonération de TFPB demandés par les bailleurs. Concrètement, il s'agit de plus de 1 400 000 euros qui sont suivis à la loupe. 1 400 000 euros qui ne sont pas versés dans les caisses de la commune puisqu'il s'agit d'une exonération de TFPB, mais bien 1 400 000 euros qui doivent être quand même dépensés par les bailleurs sociaux pour le cadre de vie des habitants. Aussi, il s'agit maintenant d'approuver le contrat de ville et son annexe et d'approuver la convention GUSP associée dans la délibération suivante. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Madame Desborsini? Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, donc le contrat de ville, c'est un document contractuel qui est signé par l'État et les collectivités et qui permet la mise en œuvre de la politique de la ville dans les QPV. Donc, tu l'as rappelé, Cédric, ses objectifs sont la cohésion sociale, l'accès à la santé, à l'éducation, le développement économique, le soutien à l'emploi, à l'insertion et la formation, ainsi que le renouvellement urbain et l'amélioration du cadre de vie. Le contrat de ville 2024-2030 a été signé par Est Ensemble en mars dernier. Il a ensuite été complété par une annexe déclinant les objectifs dans les QPV de Bagnolet. L'adoption de cette délibération ce soir doit permettre le versement de subventions sollicitées dans le cadre du contrat de ville, ainsi que l'exonération, comme ça a été rappelé à l'instant, de la taxe foncière pour les bailleurs sociaux. La nouveauté de ce contrat 2024-2030, c'est bien que le quartier des Coutures intègre désormais les quartiers politiques de la ville à Bagnolet. À Bagnolet également, la politique de la ville repose sur deux piliers, la gestion urbaine de proximité et l'action qui est menée par les 5 centres socio-culturels qui sont désormais tous en QPV. En juillet 2024, la charte territoriale de gestion urbaine sociale de proximité a été signée par l'État, par Est Ensemble, par les communes et les bailleurs pour une durée de 6 ans. L'efficacité de la GUSP dépend avant tout des ressources disponibles. Donc la question que j'allais vous poser a été à cette question-là, il y a une réponse à l'instant. Je voulais indiquer qu'il était dommage de ne pas disposer d'informations relatives aux moyens alloués à la GUSP et au montant des exonérations consenties aux bailleurs sociaux, puisque si l'on regarde ce qui s'est passé en termes de politique de la ville, on constate qu'il est sur le terrain, dans les QPV de Bagnolet, il demeure des difficultés persistantes, que les actions et les orientations prioritaires, sécurité, tranquillité publique, propreté de la voirie et des espaces verts et lutte contre les dépôts sauvages qui sont définies comme les actions prioritaires, les orientations prioritaires pour 2024-2030 aujourd'hui restent des objectifs ambitieux avec des actions ambitieuses à mener. Mais ma question était quels sont les moyens affectés pour y parvenir. Et dernière question, quel contrôle des bailleurs qui sont exonérés de cette taxe foncière et qui, en contrepartie, doivent financer l'amélioration du cadre de vie, mais dont on sait pertinemment qu'il y a toujours des difficultés endémiques. Je pense évidemment aux ascenseurs, mais aussi à la question du chauffage urbain, sur laquelle on reviendra plus tard. Je vous remercie. Je pense avoir répondu dans mon introduction à toutes ces questions. La seule chose que je n'ai pas dite et qui est très importante, c'est que lorsqu'on a mis en place ce nouveau contrôle avec les équipes de la municipalité, et avec le contrôle de la préfecture qui est associée à ce type de réunion, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a pu remarquer que certains bailleurs sociaux, on va dire par mégarde, avaient un petit peu de retard dans les actions concrètes financières qui doivent être au même montant que l'exonération, et que suite à ces réunions-là, ils se sont rattrapés le retard qu'ils avaient accumulé, et que le contrôle prouve par là que c'est un moment important, essentiel, indispensable, pour être sûr que l'argent qui est exonéré soit bien dépensé, justement, dans le cadre de vie des habitants. Et effectivement, ça, c'est réglé. Aujourd'hui, on est passé quand même avec l'élargissement du périmètre de grosso modo 800 000 à 1 400 000 euros. Ce sont des sommes importantes. La dernière chose qui reste à faire au point de vue du contrôle, c'est d'aller sur place après. Donc, je me balade avec les équipes aussi, à la rencontre avec les bailleurs sociaux pour savoir où est dépensé l'argent, parce qu'il y a d'autres questions au-delà du contrôle qui sont pertinentes. Pourquoi cette porte, je donne un exemple, pourquoi cet ascenseur, cette réparation d'ascenseur passe dans l'exonération, alors que peut-être il s'agit simplement d'une maintenance normale. Donc là, on rentre dans des appréciations où certains vont vouloir le mettre dans l'exonération plutôt que dans la maintenance pour faire des gains. Et le rôle du contrôle, le rôle de l'administration, le rôle de l'élu, c'est de dire, bah non, ça c'est de la maintenance normale, ça ne doit pas passer dans l'exonération. Voilà. Il y a d'autres remarques sur ces deux délibérations ? Donc, sur le contrat de ville, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je remercie. La convention GUSP, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je remercie. Délibération suivante, rapport d'activité 2023 de cet ensemble et compte administratif 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Il s'agit de prendre acte, donc je vous propose de prendre acte. Donc, nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Ensuite, nous avons deux délibérations, deux protocoles transactionnels concernant des dommages à des véhicules liés à l'état de la chaussée, notamment à la rue des Rigondes, qui a été réhabilitée cet été. Donc, c'est arrivé avant. Voilà, il était temps de le faire. Ça a coûté un peu plus de 500 000 euros avec une participation de nos collègues montreuillois. Est-ce qu'il y a des remarques concernant le protocole transactionnel avec M. Nicolas Ligé, Mme Desbordes-Sidi ? Oui, bon, je ne vais pas faire la blague de Laurent Jamais. Si, allez-y. Ni parler du marronnier, non, il n'y a pas mieux que Laurent Jamais pour faire du Laurent Jamais. Non, mais... Non, mais plus sérieusement, je pense que j'ai pas compté le nombre d'indemnités. Beaucoup. Beaucoup. Oui, bon. Un minima deux ou trois par conseil. Bon, on n'a pas calculé ni le montant des indemnités qui sont versées, qui sont pas particulièrement importantes, mais au-delà de ça, ça traduit quand même un défaut d'entretien de la voirie dont on parle souvent dans des conseils de quartier. Et c'est bien triste pour ces automobilistes, mais moi je me mets plutôt à la place des cyclistes. Quand on a des nids de poules comme ça, là il s'agit de pneus crevés, mais quand on est à vélo, à bicyclette et qu'on se prend un nid de poule, là, il y a un risque de chute et d'accident corporel. Donc on va délibérer du budget dans quelques semaines, dans quelques mois. J'entends que vous avez dépensé 500 000 euros pour la réfection de la rue des Rigondes. Plus de 500 000 euros. Plus de 500 000 euros. J'espère que vous allez que l'enveloppe allouée aux réfections de voirie sera significatif, parce que la voirie à Bagnolet en a bien besoin. Absolument. Ouais. Non, mais qui n'est pas une blague pour le coup. Non, ben c'est deux villes qui sont mitoyennes en fait. On a effectivement la rue des Rigondes qui est mitoyenne avec Montreuil et la rue des Noyers qui est mitoyenne avec Romainville. Donc effectivement, je trouve que c'est bon. On a besoin de ce que dit Angéline est juste, parce que pour prendre la rue des Noyers à vélo, ça m'arrive régulièrement, elle est absolument difficile. Et c'est vrai que ça peut être une des rues que l'on travaille avec nos voisins de manière intelligente. Ça s'est fait. La rue des Rigondes, qui n'est pas une rue qui est très empruntée, mais enfin qui était dans un état qui était catastrophique. Je ne m'étonne pas qu'il y ait eu des pneus crevés. Pardon. Et la rue des Noyers est aussi en très, très mauvais état. Donc voilà, c'est peut-être une des celles qu'il faudra réfléchir dans les années à venir. Effectivement, Edith Félix nous alertait sur le fait que ça s'agissait de rues dans le quartier du Plateau. Ouais. Voilà, deux, oui, absolument. Edith propose de travailler sur la rue Anatole France l'an prochain, dans le cadre du prochain budget. Voilà, on en rediscutera. Absolument. Donc, concernant la délibération, le protocole, Monsieur Liget, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Monsieur Danan, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Rapport annuel 2023 du délégataire de la gestion du chauffage public, Cédric. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, la ville de Bagnolet possède un réseau de chaleur dont elle a délégué l'exploitation via une DSP à la SDCB, filiale d'Engie. Quelques chiffres pour comprendre l'importance de ce réseau de chaleur. C'est aujourd'hui une vingtaine de kilomètres de canalisation pour transporter l'eau chaude, environ 15 000 utilisateurs et 92 mégawatts, même si ça ne parle pas forcément, de puissance thermique globale. Cette DSP nous oblige à réunir une CCSPL qui permet aux élus membres d'obtenir des informations sur le fonctionnement effectif et émettre des propositions. Une AMO, un spécialiste, donc une maîtrise d'ouvrage, accompagne les élus afin de critiquer les actions du délégataire, voire de muscler les négociations s'il y a lieu. Pour information, cette commission s'est réunie hier soir et de façon exceptionnelle, elle s'est réunie de façon élargie, c'est-à-dire qu'elle n'était pas ouverte uniquement aux élus membres, mais à l'ensemble des élus du conseil municipal, afin que toute l'information puisse remonter de façon transparente. Alors, la politique menée par M. le maire sous ce mandat, comme au mandat précédent, et de conserver et de moderniser ce réseau de chaleur. Pour rappel, d'importants travaux ont été menés depuis 2014 pour rénover les conduites ou apporter une seconde source d'énergie écologique à la chaufferie via le bois, la biomasse, en plus du gaz. Ça remplaçait le fioul. Ce fut, avec le recul, une très bonne décision. Au vu des circonstances mondiales que nous connaissons malheureusement et les évolutions à la hausse du prix du gaz. Selon le rapport, pour avoir une idée précise de ce que je viens de vous dire, le combustible bois, donc la biomasse, couvre à l'heure actuelle 70% de nos besoins et revient à 28 euros hors taxes par mégawatt-heure. Alors que le combustible gaz, qui lui ne représente que 30% de la couverture, coûte 50 euros plus cher hors taxe par mégawatt-heure. Cette décision, donc, lors du précédent mandat, est donc capitale aujourd'hui pour le prix payé par les Bagnoletais pour se chauffer. Et celui d'avant. Et celui d'avant. Oui. Alors, effectivement, parce que j'ai fait la précision hier soir. Donc je vais le redire là parce qu'il faut être totalement transparent. Ça a été voté lors du mandat de M. Marc Everbeck et ça a été mis en application sous le prochain mandat, celui de Tony Di Martino. Voilà. Alors en conclusion, parce que je pense qu'il y aura d'autres interventions pour compléter mes propos, que nous dit l'expert ? L'expert confirme qu'il s'agit d'un système vertueux, mais perfectible. Et notamment perfectible sur son rendement. Alors, vertueux aussi, parce que des questions ont été posées hier soir, et je ne sais pas si vous avez eu les réponses, mais elles me paraissent importantes, donc je vais les citer. On s'est posé la question du prix. Est-ce que c'est un système vertueux ? Est-ce qu'il coûte cher, pas cher ou très cher, par rapport à des systèmes équivalents ? Et est-ce que son rendement est bon ou mauvais ? Le rendement, pour information, c'est le fait que si l'eau part à 70 degrés de la chaufferie, à quelle température elle arrive chez le consommateur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la perte ou pas. Alors concernant le prix, sur des réseaux à peu près équivalents, donc la maîtrise d'ouvrage dans la journée s'est renseignée sur deux réseaux assez équivalents aux nôtres, celui de Rosny-sous-Bois et celui de Sevran, donc pas celui de Paris par exemple qu'on avait hier. Le prix au mégawatt-heure. Alors, sur Rosny-sous-Bois, il est de 161 euros hors taxe, et celui de Sevran à 148 euros hors taxe. Je vous rappelle que le nôtre est à 134. Encore une fois, je pense que c'est clairement lié au fait que nous utilisons de la biomasse. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, où il y a tout un travail à effectuer, c'est le rendement, mais il n'est pas si catastrophique que cela non plus, mais il est plus bas. Donc à Rosny-sous-Bois, le rendement est à 90%, à Sevran, il est à 87%, quant à Bagnolet, il est à 82%. Voilà. Donc il y a eu tout un travail hier, et je tiens à saluer les élus qui étaient présents, parce que c'est toujours compliqué de venir le soir, comme le rappelait M. Pierre Vionnet tout à l'heure. Il y a eu tout un débat sur le fait, c'est comment améliore-t-on plus tard le rendement de cette chaufferie, parce que, pour terminer mes propos, nous tenons à cette chaufferie. Il permet d'apporter de la chaleur, même si la facture est toujours trop chère, mais pas trop chère par rapport à des villes comme les nôtres ailleurs. Donc c'était une bonne décision à l'époque de l'avoir construit. Mais par contre, il faut clairement améliorer son rendement. Voilà, monsieur le maire. Merci, Cédric. Des remarques, des observations, même des Bortines. Bien. Alors, on a longuement échangé hier dans le cadre de la commission consultative des services publics locaux. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'élus de la majorité qui étaient présents. Et c'était, je crois que c'était la première fois depuis que je participe à cette commission que les échanges étaient aussi riches, aussi fructueux. Et j'ai constaté qu'on était relativement unanime sur le constat qui est un peu moins idyllique que celui que tu as brossé, Cédric. Alors effectivement, tu as raison sur une chose, c'est que d'un point de vue écologique, ce réseau de chaleur urbain, il est relativement vertueux puisque 70% de la chaleur qui sort des chaufferies est issue de la biomasse. Produite en France. Je crois que c'est la réponse qui a été apportée à la question d'Edouard. Donc il est plutôt vertueux et moins onéreux qu'un réseau de chaleur qui reposerait essentiellement sur le gaz. Bon. Alors il est vertueux écologiquement, mais est-ce qu'il est efficace? C'est un peu ça la question qui nous était posée hier. Est-ce qu'il est efficace et est-ce que finalement le coût facturé à l'usager, est-ce que l'usager aujourd'hui en a pour son argent quand il est raccordé au réseau de chaleur urbain? Alors évidemment la réponse dépend de l'endroit où on habite à Bagnolet. Je pense que quand on est un abonné raccordé au réseau de chaleur dans l'hypercentre ou à la Duisse, on est mieux chauffé et mieux servi en eau chaude sanitaire et en chauffage que quand on est au plateau, au Malassis ou aux Coutures, où régulièrement un certain nombre d'habitants se plaignent d'avoir froid ou carrément d'avoir une interruption de service d'eau chaude sanitaire. Alors, évidemment, la principale difficulté, c'est le rendement dont tu as parlé, un rendement de 85, je crois que ce n'est pas 82, c'est un peu plus 85, enfin disons aux environs de 80%, c'est ce qu'on appelle un réseau fuyard, c'est-à-dire que c'est un réseau avec une très forte déperdition de chaleur. La chaleur sort des chaudières à 100 degrés à peu près, et puis elle arrive chez l'usager dans ses radiateurs avec, je ne sais pas, enfin beaucoup, c'est beaucoup moins important avec le sentiment d'un logement humide ou d'une eau chaude tiédasse. Alors, ça fait quand même, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on fait le même constat. Moi, ce qui me manque dans ce rapport, c'est que, par exemple, le taux d'avarie, il y en a un certain nombre, hein, alors moi je ne sais pas, je sais pas précisément quantifier, c'est vrai que le délégataire n'étant pas présent hier, on n'a pas pu lui poser la question, mais enfin il suffit de se connecter aux réseaux sociaux et de voir que le volume de doléances des habitants qui ont froid ou qui n'ont pas d'eau chaude, donc je suppose, alors la difficulté bien sûr c'est de savoir s'il s'agit d'avaries qui se produisent sur le réseau primaire ou sur le réseau secondaire. Évidemment, comme disait Yalana hier, chacun se renvoie à la balle, c'est-à-dire que les chauffagistes en charge des stations secondaires vont dire « c'est pas nous, c'est la SDCB », la SDCB va dire « c'est pas nous, c'est le chauffagiste des bailleurs sociaux ». Et du coup, la question qui nous est posée là, sur cette DSP, mais on y reviendra après parce que ce soir on va examiner d'autres DSP, c'est toujours la même question, c'est la question du contrôle du délégataire. Que fait-on pour forcer la main à la SDCB à renouveler un certain nombre de canalisations qui sont des canalisations dont ils savent pertinemment qu'elles ce sont des canalisations fragiles. Ça, il me semble que dans le contrat cadre initial ou dans un des avenants qui ont été signés ensuite, le délégataire avait une obligation de remplacement d'un mètre linéaire. Alors je ne sais plus si c'était 500 mètres par an ou un kilomètre, c'est un réseau qui fait 20 kilomètres. Mais cette donnée-là, elle n'est pas Elle n'est pas disponible dans ce rapport. Par ailleurs, le rapport, je rappelle ce que j'ai dit hier en commission, c'est un rapport 2023 qu'on a en décembre 2024. Donc, en matière de contrôle, alors il y a aussi le contrôle citoyen. Nous aussi, élus de l'opposition, c'est important d'avoir des données en temps voulu de manière à pouvoir exercer un contrôle dans les limites de nos possibilités de contrôle. Mais c'est évidemment la question de la vigilance, parce que on a affaire à un délégataire qui est un opérateur privé qui fait tout de manière à améliorer ses marges et le chiffre d'affaires final. Du coup, évidemment, il va minimiser un certain nombre de travaux de maintenance et de rénovation. Et je reviens sur le fameux avenant numéro 5 qu'on a signé il y a un mois, d'1,5 million, qui prend en charge le remplacement des chaînes d'alimentation sur les chaudières biomasse et puis même des systèmes de détection d'incendie qui, je répète, pardon, ce que j'ai dit il y a un mois, mais je considère que ça, on aurait pu essayer de s'éviter cette dépense d'1 million d'euros supplémentaires qui normalement incombe au terme de la maintenance des infrastructures aux délégataires. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais je crois que c'est la question. Et là, je crois avoir compris que vous avez changé d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais c'est vraiment le contrôle et de quelle manière vous, en tant que collectivité, vous parvenez à inverser le rapport de force de manière à obtenir du délégataire un certain nombre de travaux qui sont des travaux essentiels pour permettre enfin à l'ensemble des bagnoletaises d'avoir chaud l'hiver et de ne pas risquer de devoir, par ailleurs, en plus, dépenser de l'argent supplémentaire parce qu'on va s'équiper d'un convecteur électrique pour ne pas avoir trop froid. Bon, tu as raison. Et de toute manière, hier, ça s'est bien senti pendant la commission. Tout le monde était unanime. Tout le monde partage le même constat. Et tout le monde a envie que ce système, qui est un héritage, soit perfectionné. Donc du coup, on est tous dans le même bateau et on a tous le même cap. C'est appréciable. Tu l'as constaté par toi-même, je pense que cette nouvelle maîtrise d'ouvrage a montré sa compétence. Elle a montré aussi, comme l'a souligné Édouard Denoël hier, son indépendance. Et je pense que quand on lui a posé la question de façon très directe, s'il pensait que la SDCB, filiale d'Engie, jouait contre nous, il a fait cette réponse que non, il ne le pensait pas, mais par contre qu'il fallait effectivement, on va dire, muscler nos rapports avec la SDCB, et on compte bien sur cette maîtrise d'ouvrage pour le faire. Et j'ai conclu la réunion en disant qu'effectivement, au vu de la qualité de la réunion d'hier soir, et au vu de notre, je pense, autour de la table, autour de ce conseil municipal, notre volonté d'améliorer le système, de réunir à nouveau cette commission avant un an, pour on a laissé un certain nombre de questions en fait à cette maîtrise d'ouvrage, parce qu'il n'y avait pas toutes les réponses hier, notamment Descartes, revenir vers nous, et ne pas revenir uniquement vers l'élu délégataire, pas uniquement revenir vers les élus membres de cette commission, mais revenir vers, dans la même configuration de réunion hier soir, vers l'ensemble des élus donc, de ce conseil municipal, pour essayer d'avancer et de lui donner des billes pour négocier au mieux les futurs avenants, parce qu'il y en aura, sur l'amélioration de qualité de service de la SDCB. Et aussi, pour finir, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est aussi, parce que j'en ai parlé avec M. le maire cet après-midi, la volonté de M. le maire d'obliger Engie et la SDCB à très clairement remplacer ce qu'il doit remplacer dans le cadre de son contrat actuel et non pas dans le cadre de futurs avenants. Donc le contrôle, comme tu l'as dit, ça fait partie de toute DSP, et là-dessus, on a la même volonté que vous. Est-ce qu'il y a des remarques, d'autres remarques ? Donc, je propose de prendre acte de la présentation de ce rapport. Délibération suivante, avenant numéro 1, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la commune de Bagnolet et Est Ensemble pour la construction d'un dojo, la reconstruction des installations sportives du stade des Malassis en lien avec la construction de la nouvelle piscine. Cédric Pape. Oui, merci Monsieur le maire. Dans le cadre du NPNRU, la requalification du quartier des Malassis passe par la destruction totale de la dalle. Pour information, en deux phases, pour ceux qui ne sont pas venus forcément en réunion publique. Cette rénovation urbaine tant attendu par la population des Malassis, a pour objectif de, je le rappelle aussi, de dédensifier le secteur, de renaturaliser par la pleine terre le secteur et de garder, voire apporter des services publics. Alors, les services publics, notamment en construisant une nouvelle piscine avec l'héritage des Jeux Olympiques Paralympiques, en construisant un dojo, salle de combat, en construisant un nouveau stade et de nouvelles pistes autour du stade, celui évidemment des Malassis. Cette délibération est l'avenant 1 de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la commune de Bagnolet et Est Ensemble. Elle a pour objet de fixer les montants des honoraires, de fixer l'enveloppe des travaux, de préciser la répartition des dépenses, d'actualiser le plan de financement avec des aides, des subventions de l'ANRU, des subventions de l'État via la DPV, de la région, du département, de la métropole Grand Paris, du plan Génération 2024. Si je me suis permis d'étayer toutes ces subventions, c'est pour montrer aussi qu'il y a un travail qui est de la part des équipes communales, mais aussi des équipes territoriales, un travail énorme qui est effectué pour aller chercher un maximum de subventions pour financer au mieux cette opération. On attend encore d'autres subventions. Comme vous pouvez le constater, les équipes d'Est Ensemble et de la Ville sont concentrées et à l'affût de chaque poche d'argent pour alléger les dépenses de la Ville. Merci Cédric. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Approbation du principe de recours à une concession de service public pour la gestion de la crèche Pêche d'Or. Cédric. Alors, il est prévu l'ouverture d'un nouvel équipement d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire une crèche de 39 berceaux au 5 rue Auguste Blanqui. Cet équipement bénéficiera d'un cofinancement de l'ANRU. La commune souhaite déléguer la gestion de ce nouvel équipement par la passation d'un contrat de délégation de service public pour une durée de 6 ans. La commission dédiée s'est réunie hier soir et a émis un avis positif. Des remarques, des observations, Madame Desbordes-Silly. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, un avis positif, mais pas à l'unanimité, puisque j'ai voté contre le principe de cette délégation de service public pour la gestion de la future crèche Pêche d'Or. Alors, je veux rappeler qu'on n'est pas opposé par principe à la délégation de service public. En revanche, on pense que certains services publics doivent être délégués et nous pensons que d'autres ne le doivent pas. Et parmi les services publics qu'on considère non délégables ou n'étant pas pour lesquels il est préférable de les garder en régie, eh bien, là, il y a les services publics de la petite enfance. Alors, je voudrais insister à cet égard sur trois éléments. Le premier élément, c'est que le secteur des crèches privées, qui représente aujourd'hui 25% de l'offre globale de crèches collectives, c'est un secteur en plein essor et qui pourtant, depuis plusieurs mois, fait l'objet de nombreuses enquêtes d'investigation. Celle du journaliste Victor Castanet, je vous recommande la lecture des Odres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre, je vous le recommande. A particulièrement et un peu tristement mis en lumière les dérives de ce marché hautement lucratif. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, considère que le secteur peut atteindre jusqu'à 40% de rentabilité. En 2023, l'IGAS toujours mettait en garde contre la maltraitance institutionnelle au sein des crèches privées, dont 21 ont été frappées de fermeture administrative depuis le 1er janvier dernier. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que il est évident que le système actuel de financement des crèches repose sur un système de prestation unique qui est versé par la CAF, c'est la PSU, et qui est un système de financement à l'heure, qui est calculé sur un ratio d'heures facturées et un ratio et des heures de présence, s'apparentant à la tarification à l'acte à l'hôpital, concourt aux dysfonctionnements qui sont observés, en particulier chez les opérateurs privés, concourt à la dégradation de la qualité d'accueil, voire aux dérives, puisque le taux d'occupation doit être nécessairement optimisé, et certains opérateurs privés n'hésitent pas à faire ce qu'on appelle du surbooking. Comme dans les avions, absolument. L'AMF, d'ailleurs, dénonce depuis plusieurs années ce système de cofinancement qui pousse les gestionnaires à une optimisation excessive des places en crèche et plaide pour un retour à la tarification au forfait. Dans ces conditions, pourtant, vous indiquez privilégier une DSP plutôt qu'une gestion directe en régie municipale pour maîtriser la masse salariale, réaliser des économies de gestion. Vous évoquez hier, et ça a été rappelé en commission hier soir, les difficultés de recrutement. Ce à quoi nous vous opposons, que les difficultés de recrutement sont les mêmes pour les opérateurs privés. Elles sont en lien avec la pénibilité du métier, qui est la même partout, et parfois même, d'ailleurs, les conditions d'exercice sont plus difficiles dans le privé, où le turnover du personnel est aussi important, voire plus important que dans les crèches municipales. Enfin, je terminerai par une remarque que j'ai faite hier également en commission, c'est que, à l'égard des chiffres que vous nous présentez, vous calculez une économie de gestion de 100 000 euros par an en frais d'exploitation. 100 000 euros, donc vous faites le choix du moins cher et du moins 10 ans, mais est-ce que, en matière de délégation de services publics et de petite enfance, est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Faire le moins cher, le choix du moins cher et du moins 10 ans quand on connaît les difficultés à contrôler un service délégué, on en parlait à l'instant et on en reparlera tout à l'heure. Bien entendu, là, on parle d'un arbitrage et d'un choix politique de fond. Quel service public voulons-nous ? Quel service public voulons-nous préserver ? Quels sont les services publics que nous souhaitons choyer ? Imaginez-vous déléguer au secteur privé la gestion du centre municipal de santé, celle des centres socioculturels. On parle ici de santé publique, d'acquisition de compétences linguistiques, cognitives de nos enfants, de socialisation et d'épanouissement affectif. Est-ce que sous-traiter tout cela à un opérateur privé qui est avant tout soucieux de sa rentabilité et de l'optimisation de ses marges est la bonne solution ? Est-ce que c'est réellement la ville à hauteur d'enfant que nous souhaitons construire ? Nous ne croyons pas, et donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Cédric. Bon, alors déjà, pour le CMS, nous n'avons jamais envisagé cela. Non, mais... c'est bien de le redire. Voilà. J'ai envie de dire, c'était peut-être bien tenté, mais non, pas du tout. Je pense que personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Donc le CMS, on y tient énormément, c'est aussi un bel héritage, et on continuera comme cela, et je pense qu'on a prouvé à travers ces deux mandats-là qu'on améliorait la qualité à travers le personnel et à travers les équipements. Donc il n'y a plus rien à prouver sur le fait qu'on tient énormément à ce dispositif. Maintenant, on a déjà eu cette discussion hier soir, donc c'est vrai que pour ceux qui sont membres de la commission, c'est un peu une redite, mais pas forcément pour tous les élus du conseil municipal et puis pour les auditeurs. Si je reprends un peu aussi tes propos, c'est vrai que quand on est dans l'opposition, on a le luxe de rester un peu dans la théorie de s'attacher à la régie. Et pendant la commission, certains élus ont dit qu'ils aimeraient bien de la régie, mais quand on est côté pratique et qu'on doit prendre des décisions et qu'on est face à nos responsabilités, la posture s'affaisse un peu. Et aujourd'hui, certains indicateurs nous poussent à aller vers une DSP. Et notamment, et c'est certainement le plus important, en tout cas c'est ce qu'on a dit hier en commission, et j'ai été appuyé par beaucoup d'élus, sur le fait qu'il y a une véritable difficulté de recrutement. Et il est clair qu'aujourd'hui, la municipalité n'est pas du tout armée pour aller sourcer, pour aller identifier, pour aller chasser, comme on dit dans le milieu, des profils, alors que certains opérateurs le sont davantage parce qu'ils sont des spécialistes du domaine. Et quand on est généraliste, on est beaucoup moins armé. Donc c'est surtout ça qui nous pousse à aller vers une DSP, parce qu'effectivement, on préférait une régie. Je tiens juste à rappeler qu'en début de ce mandat-là, et on l'a dit aussi hier en commission, on a eu à peu près le même débat, on a eu même, je pense, le débat identique sur la crèche Toffoletti. Voilà, je pense qu'on a dû avoir la même passe d'armes. Et aujourd'hui, c'est une crèche qui fonctionne très bien. Et c'est ça le principal. Merci. D'autres interventions, Monsieur de Noël. Oui, merci. Quelques éléments. Le fait de s'opposer à une DSP, ce n'est pas une posture, c'est un principe politique et qui se comprend tout à fait. Rappelez quand même qu'effectivement, c'est difficile pour la collectivité, et il faut s'interroger aussi sur la façon dont les collectivités fonctionnent pour recruter certaines fonctions de la fonction publique territoriale, qu'effectivement c'est difficile et que la ville de Bagnolet doit déjà absorber un certain nombre de difficultés dans le secteur petite enfance qu'il ne faudrait pas renforcer là avec cette crèche-là. Pour autant, entre les grands opérateurs que Victor Castanet met en exergue dans son livre et la régie, il y a toute une myriade de possibilités. Et il y a par exemple des opérateurs privés qui opèrent sur Bagnolet, qui sont privés, associatifs, mais qui n'ont rien de grande machinerie du CAC 40 pour faire rentrer de l'argent sur le dos des familles. Et si on interroge les bagnoletaises et les bagnoletais qui ont leurs enfants dans telle ou telle crèche comme celle-là, ça fonctionne très bien. Pour autant, et il y a une autre chose à avoir en tête, c'est que quand on fait un appel à la concurrence, quand on veut déléguer un service, se pose la question de qu'est-ce qu'on met dans le cahier des charges ? Comment est-ce qu'on interroge les opérateurs ? Et c'est là que la ville doit avoir une vigilance toute particulière sur le choix qu'elle fera du cahier des charges qu'elle va livrer à celles et ceux des opérateurs qui voudront répondre. Donc ça, une extrême vigilance de ce point de vue-là. Et puis, une dernière chose, puisque là, on parle de DSP, et je crois qu'il y en a une autre qui arrive sur le stationnement. Il n'y a pas d'irréversibilité. Alors, c'est plus dur dans un sens, c'est vrai, mais regardez, avec la régie publique de l'eau, l'inverse a été prouvé. On peut revenir sur les communs, et d'ailleurs, moi, je trouverais intéressant de remettre en débat la question du chauffage urbain et de sa délégation, puisque l'air est à la reprise des communs, des services publics communs. Alors là, on parle de l'eau, on peut parler d'un certain nombre de services publics locaux comme la production d'énergie. Et donc, à nous de réfléchir à ça, de porter ces idées-là. Il n'y a pas d'irréversibilité. Et pareil pour la petite enfance, quand on peut refaire du public, on refait du public. D'Oliva, Mohamed, et je dirai un mot après. Oui, merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ces derniers mois, plusieurs scandales de maltraitance de bébés et de détournement de fonds publics concernant les crèches lucratives ont défrayé la chronique. Deux livres très documentés ont été publiés. J'ai les mêmes lectures qu'Angéline. En septembre dernier, Les Ogres de Victor Castanet, un journaliste qui avait déjà enquêté sur les EHPAD. Et en 2022, Le Prix du berceau de Mathieu Péris et Daphné Gastaldi. Le secteur des crèches lucratives s'est développé depuis plusieurs années dans des logiques d'optimisation des coûts au détriment de la qualité du travail, du personnel et des enfants. Les crèches lucratives ont suivi le même type d'évolution que celui du secteur des personnes âgées dans une dynamique low cost. Le problème de fond provient effectivement du mode de financement imaginé en 2002, la prestation de service unique, c'est-à-dire les dotations publiques versées par les CAF aux gestionnaires de crèches, pensées par la Cour des comptes et par Bercy avec une visée financière, afin de pousser les groupes à optimiser l'argent public, une tarification à l'heure a été prévue plutôt que des forfaits à la journée, ce qui incite à remplacer chaque absence. Cette logique s'est avérée néfaste pour les enfants. Les crèches privées représentent seulement un quart du marché, mais 90% des nouvelles places. À cet égard, c'est aussi la responsabilité des collectivités locales, comme la nôtre, qui est engagée. Les mauvaises pratiques constatées dans les crèches privées pour améliorer les marges financières consistent par exemple à aller au-delà de la capacité réglementaire d'accueil de la structure. Sans personnel en plus, bien sûr. Ces enfants, entre guillemets, surnuméraires, c'est ce qui va casser la mécanique très fine d'une crèche et qui peut possiblement conduire à de mauvais gestes. Pour emporter des appels d'offres, en proposant des prix plus bas, la masse salariale est diminuée de 10%, par exemple, par rapport à une gestion publique. Il existe des pratiques encore plus étonnantes qui consistent à faire payer aux familles la réservation d'un berceau en attendant qu'une place se libère. Deux remarques pour terminer. Les difficultés chroniques rencontrées dans la gestion du personnel à Bagnolet ne justifient pas le recours au privé. Du personnel en souffrance, une administration communale structurellement dysfonctionnelle, pointait la mission Talisker en début de mandat. Ce constat n'enlève rien, bien sûr, au sens du service public et à l'engagement de très nombreux agents. Mais il appelle à s'attaquer à la situation, à s'appuyer sur le personnel et sur la population pour obtenir un redressement du service public. C'était le sens de notre proposition d'états généraux du service public local qui est toujours sur la table. J'entends bien les difficultés de recrutement pour une gestion publique des crèches, mais cela ne me semble pas insurmontable avec un peu d'imagination et un peu de volonté. Je voudrais vous faire part de mon expérience à ce sujet. La Régie publique de l'eau d'Est Ensemble ne parvenait pas à recruter certains postes techniques pour des interventions de terrain sur les réseaux d'eau potable. Il y a une concurrence entre les entreprises publiques et privées et ces métiers sont en tension, comme ceux des crèches. Une démarche a été construite avec France Travail. Une vingtaine de personnes qui étaient en capacité d'effectuer ces travaux ont été sélectionnées par France Travail. La régie les a accueillies pour un stage de terrain de 15 jours. À l'issue de ce stage, la moitié a pu intégrer les effectifs de la régie. Pour toutes ces considérations, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Mohamed Jenan. Merci, monsieur le maire. J'entends ce que tu dis de Noël, hein, mais Edouard, pardon. Mais le privé reste le privé. Et Angéline l'a dit, hein, le recours au privé n'est pas une fatalité. C'est un choix. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de choisir autrement, de préserver ce qui fait la force de notre service public et d'investir dans ce qui compte vraiment, l'avenir de nos enfants. Et dans ce sens, j'aimerais faire une proposition. C'est de lancer une réflexion collective pour explorer d'autres alternatives au privé, comme la mutualisation des ressources à l'échelle intercommunale ou encore le développement de modèles innovants de gestion coopérative ou associative qui restent dans une logique non lucrative au service de l'intérêt général. Merci. Oui, quelques remarques. J'entends qu'il faille recruter des agents publics. Et là, je m'adresse à mes collègues de la majorité, mais d'un côté, on ne peut pas me demander de recruter des agents publics et de l'autre, me dire qu'il y a trop de personnel communal à la ville de Bagnolet. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Donc, un peu de cohérence ne nuit pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans le cadre d'une DSP, ce qui compte, c'est le contrôle. C'est le contrôle de l'autorité territoriale, le nôtre. Et effectivement, le travail se passe bien sur Topoliti. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais j'entends tout ce débat. Et je me permettrai de rappeler aussi, pour ceux qui l'ont oublié, que parfois, même lorsqu'on a une crèche privée, et Zora Kelly a beaucoup travaillé sur le sujet, lorsque l'autorité territoriale n'est pas satisfaite, après moult et moult rappels, ça se traduit par le fait qu'on ne réserve plus de berceaux. C'est ce qui s'est passé avec la crèche Babylou, il y a quelques années maintenant, c'est qu'à un moment donné, lorsque le service n'est pas satisfait, on arrête. Et ça, c'est le rôle de la collectivité publique, le nôtre. Après, il y a des organismes de contrôle sur la petite enfance. Mais voilà, donc, effectivement, il y a une DSP. Ce n'est pas forcément l'idéal, mais je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'est la collectivité locale, de ce qu'est la ville de Bagnolet, je pense que c'est le meilleur moyen d'essayer d'offrir un service public de qualité. Voilà ce que je pense. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix, qui est effectivement le même que l'on a fait en début de mandat pour la crèche Topoliti. Et je n'ai pas souvenir qu'au sein de la majorité municipale, c'est fait l'objet de débats en début de mandat, puisque ce qui compte, c'est le contrôle public, toujours. Donc le contrôle public, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Monsieur Vionnet. Oui, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit mes collègues Angeline et Jean-Claude sur la question particulière de la petite enfance et je partage ce qu'ils ont dit. Après, je pense que sur cette question des délégations de services publics, puisqu'effectivement, on vient d'évoquer la question du chauffage, comme vous venez de le dire, en début de mandat, vous avez décidé de déléguer la crèche Topoliti. Aujourd'hui, vous proposez de déléguer la crèche Pêche d'Or. On évoquera ensuite la question de la délégation du stationnement. Donc, comme l'a dit Angeline, nous, on n'a pas de posture idéologique sur la question, parce que la tradition française en matière de service public repose sur la régie, mais aussi de temps en temps la délégation. Donc, on n'a pas de posture idéologique. Par contre, à l'échelle d'une ville comme Bagnolet, et ça va un peu dans le sens de ce que Mohamed vient d'évoquer, je pense qu'il serait utile que nous partagions ou que vous nous fassiez partager une vision globale de là où vous considérez que, parce que c'est le cœur de l'action, ça doit être conservé en régie, là où vous considérez que la délégation est opportune, là où, comme l'a suggéré Mohamed, des coopérations intercommunales peuvent s'imaginer. Je pense que ça serait intéressant, parce que là, on a le sentiment de délibérer au coup par coup. Une fois c'est Ofoliti, une fois c'est Pêche d'Or, une fois c'est le stationnement. Ça serait intéressant qu'on ait un débat un peu global sur quelle est la vision municipale de ce qu'on souhaite garder en régie, de ce qu'on souhaite déléguer, de ce qu'on souhaite partager avec les voisins. Et moi, je trouve un petit peu regrettable qu'on soit dans une série de décisions ponctuelles. Bon, il ne s'agit pas de décisions ponctuelles, il s'agit de décisions logiques. Après, moi, ça ne me dérange absolument pas d'avoir ce type de discussion. On en parlait en bureau de territoire pas plus tard qu'hier, et notamment c'était le collègue de Noisy-le-Sec qui évoquait, par exemple, sur la mutualisation des cars, la mutualisation des centres de loisirs. Effectivement, il y a des sujets aujourd'hui qui nécessitent mutualisation. Donc, travailler sur les questions de coopératives, pourquoi pas. On essaye d'engager un travail de pérennisation avec la Croix-Rouge au niveau de la petite enfance. Il n'y a pas de... J'ai pas de sujet et pas de tabou en la matière. Est-ce qu'il y a d'autres, Marc ? Angeline Desbordes. Moi, je voulais juste répondre à Édouard Desnouelles. Effectivement, il n'y a pas d'irréversibilité, mais la réversibilité a un coût. Ouais. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, attribution de la concession de service public pour la gestion du stationnement payant. Cédric. Merci, monsieur le maire. Donc, une DSP. En juillet 2023, le conseil municipal a approuvé le principe du recours à une délégation de service public pour la gestion du stationnement payant sur Bagnolet. Concrètement, il a été approuvé qu'une partie du stationnement serait en zone bleue, gérée par les ASVP, et l'autre partie sera en zone payante, gérée par un délégataire, environ 900 places. Une consultation a été lancée par l'administration. Deux candidats ont fait acte de candidature, SAGS et Indigo Infra. Une première commission s'est tenue le 11 juillet 2024 pour examen des deux candidatures selon des critères financiers, qualitatifs et technique. Je me permets de rappeler quelles sont les caractéristiques du contrat proposé. C'est une durée de 6 ans, dépose des anciens horodateurs qui n'ont plus d'utilité, fourniture et pose de nouveaux horodateurs, et en plus le paiement électronique par Internet grâce à des horodateurs virtuels et un contrôle pédestre et numérique par voiture, comme on le voit de plus en plus dans les villes. Cette commission a classé les deux candidatures à l'époque, numéro 1, numéro 2, mais a souhaité poursuivre des négociations par l'intermédiaire des équipes techniques de la ville. Du coup, une seconde commission s'est tenue le 4 décembre 2024 et les élus membres... Je tenais à rappeler que les élus membres, complètement comme le chauffage urbain, sont épaulés par une maîtrise d'ouvrage compétente afin de prendre la meilleure décision. Un rapport a été rédigé afin de comparer les deux offres. Les deux offres sont techniquement assez similaires, mais Indigo Afra apparaît comme le plus adapté aux besoins de la collectivité et arrive numéro 1. Merci Cédric. D'autres interventions? Angeline Desbordes-Silly. Bien, allez, on continue avec les DSP. Donc on examine cette fois une seconde DSP. Donc je commence en préambule par indiquer que contrairement à la précédente, nous voterons cette délibération parce qu'on considère que le stationnement est un service public qui, lui, peut être délégué. Alors j'aimerais en introduction dire quelques mots de contexte. D'abord, la volonté partagée ici par tous, je pense, de réduire le nombre de véhicules motorisés qui circulent dans notre ville et diminuer la place de ces véhicules dans l'espace public. Vous le savez, en milieu urbain, les véhicules sont à l'origine de plus de la moitié des émissions totales de polluants atmosphériques. Les données collectées par Air Paris indiquent que Bagnolet subit régulièrement des dépassements des seuils recommandés pour les polluants atmosphériques, en particulier les particules fines et le dioxyde d'azote. Par ailleurs, nous ne pouvons plus nous contenter de rues préemptées par les voitures. L'espace urbain n'est pas un tuyau ou un garage à voitures. D'autres doivent pouvoir s'y épanouir et s'y déplacer en sécurité, les enfants, les personnes à mobilité réduite, les plus âgés d'entre nous et celles et ceux qui ont déjà opté pour la marche ou pour le vélo. S'agissant du stationnement sur la voie publique, Bagnolet a une spécificité, celle de ne pas ou de ne plus facturer aux automobilistes le stationnement dans la rue. Les conséquences, on les connaît, stationnement de véhicules appartenant à des personnes résidant dans des communes limitrophes ou immobilisation de places de stationnement à long terme, les fameuses voitures ventouses. La mise en place d'un stationnement payant devrait permettre d'améliorer la fluidité de la circulation et d'inciter certains automobilistes à recourir à des modes de transport alternatifs et plus durables. S'agissant du projet de DSP qui nous est présenté ce soir, l'opérateur retenu est la société Indigo. Alors Indigo, c'est un des quatre leaders du marché d'exploitation des parcs de stationnement. Il gère plus de 2 millions de places de stationnement dans le monde. Le périmètre, on l'a dit, c'est 924 places de stationnement en surface sur la ville. Les missions confiées aux délégataires sont la fourniture et la maintenance des horodateurs, la signalisation sur la chaussée, la collecte des recettes de stationnement, le contrôle du stationnement et la verbalisation et le recouvrement des forfaits post-stationnement, les fameuses amendes. Alors, ce soir, le débat porte plus spécifiquement sur l'équilibre financier du contrat et sur l'appréciation du risque qu'a encouru par le délégataire. Le stationnement de voirie nécessite peu de frais d'entretien et peu d'investissement. Sur ce genre de DSP, le risque financier est faible pour l'opérateur qui remporte le marché. Alors, la convention signée entre Bagnolet et Indigo prévoit une redevance fixe annuelle qui sera versée par le délégataire à la ville d'un montant de 125 000 euros. Cette redevance fixe annuelle, elle est légèrement supérieure au versement par la ville d'une redevance pour frais de contrôle de 100 000 euros. Et ensuite, on a une redevance variable. Alors, je n'ai pas le détail, j'espère que ça n'a pas changé depuis nos échanges en commission, mais normalement, si j'ai bien compris, donc c'est une redevance variable qui correspond à 50% des recettes à partir de 250 000 euros de recettes collectées et à 80% des recettes au-delà des 425 000 euros de recettes collectées par le délégataire. Alors, à ce stade, les recettes prévisionnelles sont estimées par le concessionnaire à 400 000 euros par an en année 1, avec 153 000 transactions à 2,63 euros le ticket. Donc là, il s'agit d'une estimation. Donc, on n'a pas pris part aux négociations avec Indigo. Globalement, aujourd'hui, il s'agit d'apprécier l'estimation des recettes. Est-ce que l'estimation de ces recettes sur laquelle se base l'équilibre du contrat est prudente? Est-ce que nous serons en mesure, en année 1, de collecter 400 000 euros de recettes de stationnement? C'est la question que j'ai posée en commission. Alors, à titre personnel, ça me paraît beaucoup, mais je ne suis pas spécialiste et je crois... Vous m'aviez dit, je ne sais plus si c'est Émilie ou toi Cédric, vous m'aviez dit c'est peu, c'est même peu, c'est une prévision relativement prudente. Mais c'est important que ce chiffre ne soit pas surestimé parce que c'est le chiffre qui permet de déterminer la part variable des recettes qui seront reversées à la ville et la part fixe qui est reversée et par le délégataire à la ville. J'ai eu un point de réserve sur les 100 000 euros de frais de contrôle que nous devrons, nous, villes, reverser au délégataire. Il me semblait que 100 000 euros de frais de contrôle, c'était un peu élevé, mais je ne sais pas, il y a peut-être une négociation entre-temps. Donc voilà, pour conclure, je terminerai sur le fait que cette délégation, évidemment, elle a pour objectif d'encourager le respect des règles de stationnement, de limiter aussi le recours au stationnement et à la circulation automobile dans la ville, mais également aussi de générer des recettes pour la ville. Alors juste sur le chiffre, parce qu'effectivement, il y a tout un débat financier autour de cette DSP, et c'est bien normal. Alors on pourrait être noyé de chiffres, je pense qu'en pesant bien mes mots, je vais faire une bonne synthèse, moi je vais essayer. On avait deux offres, et si Indigo est passé numéro 1, c'est parce qu'elle était la plus prudente que sa concurrente, c'est-à-dire sa concurrente, souviens-toi, estimait des recettes au-delà de 500 000 alors qu'Indigo faisait ses calculs à partir de 400 000 et quelques. Donc elle était plus prudente et apportait plus de recettes à la ville avec une prudence plus forte. Ça nous a paru assez logique, je pense, à l'ensemble des élus de cette commission. Bonsoir à toutes et tous. Très rapidement, parce que effectivement, sur le fond, nous partageons évidemment l'objectif de cette mise en place de DSP, mais surtout de mise en place du stationnement payant, pour répondre effectivement à la question que tu posais sur est-ce que c'était ne plus faire payer le stationnement dans la ville. C'est un peu les deux, puisqu'il y avait, fut un temps, quelques zones de stationnement payant dans la ville, très réduite en centre-ville et un tout petit peu dans le quartier centre-sud et absolument nulle part ailleurs. Là, l'objectif, évidemment, c'est de remettre ce stationnement payant là où il l'était et de l'élargir à y faire en sorte que ces 924 places de stationnement soient réparties de manière équitable sur l'ensemble des quartiers de la ville. Évidemment, l'objectif, on le partage, et tu l'as dit, il est partagé par un certain nombre d'habitants. On vient de terminer une série de conseils de quartier où la question du stationnement, du trop de stationnement, du pas de possibilité de stationnement revient assez régulièrement. Cette mise en place, elle permet, et on a fait le choix pour le coup, de garder en périmètre municipal le contrôle des zones bleues réservées au stationnement résidentiel, c'est-à-dire uniquement, et je le redis comme je le redis à chaque conseil de quartier ou à chaque personne qui nous sollicite, uniquement aux résidents, comme son nom l'indique, et non pas aux entreprises ou aux salariés qui travailleraient sur Bagnolet. En ouvrant une possibilité de stationnement payant, on se permet d'éviter d'être la seule ville gratuite avec toutes les personnes autour qui viennent se stationner à Bagnolet, d'évidemment de faire bouger et donc fluidifier le stationnement et la circulation, et le but ultime étant, on est d'accord et on le partage, de diminuer le nombre de véhicules en stationnement et en surface, et évidemment en mauvais stationnement. Sur les voitures ventouses, je partage. Je rappellerai juste que c'est une compétence de police municipale et que les ASVP ne peuvent pas s'en charger. Et puis voilà. Mais je suis ravie parce que c'est une bonne nouvelle. Ça a été long et c'est un travail qu'on mène depuis le début du mandat et j'espère qu'il portera ses fruits. Et voilà. Merci, Edith. Merci, bonjour à toutes et tous. Cette délibération concerne le choix d'un délégataire de service public pour la mise en place d'un stationnement, surtout en centre-ville, mais aussi sur quelques rues, zones limitrophes qui sont en tension. Donc, c'est l'aboutissement d'une première étape d'un projet ambitieux. Ce projet, il est porté par une demande de justice climatique exprimée par la Convention citoyenne pour le climat d'Est Ensemble et déclinée dans le plan local de mobilité d'Est Ensemble. Un article publié par le ministère des Transports analyse si les coûts engendrés par la circulation sur route et voirie est couverte par les taxes sur le carburant, les péages, les stationnements. Eh bien non, on est loin du compte. La société, nos impôts, paye massivement, subventionne le trafic automobile. Et je le redis, l'instauration d'un stationnement payant participe d'une question de justice sociale. À Bagnolet, donc, de quoi s'agit-il? Là, pour cette première étape, c'est principalement de remettre, comme par le passé, le stationnement payant en centre-ville pour faciliter la rotation des véhicules et l'accès au commerce et aux lieux de vie. Donc, la ville est accompagnée par un prestataire. Donc, on a d'abord voté le principe de délégation de service public. L'appel d'offres qui a été ouvert, je dirais que les deux candidats avaient des profils assez différents. Et l'offre d'Indigo a retenu notre attention, effectivement, pour la plus grande efficacité, la meilleure qualité de son volet économique, avec des réponses satisfaisantes sur la qualité du service aux usagers et sur ses capacités techniques à maintenir le dispositif. Mes collègues élus et moi-même avons été attentifs au traitement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite. En effet, par la loi, les PMR bénéficient de la gratuité du stationnement, mais l'automatisation de l'émission des forfaits post-stationnement par l'utilisation d'un véhicule LAPI amène des situations où les véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite sont verbalisés et ce sont aux personnes de justifier a posteriori leur droit à gratuité. Donc nous ne voulions pas que les PMR aient à justifier de leurs droits. Un contrôle visuel par un agent sera réalisé avant chaque émission de forfait post-stationnement. Et pour faciliter le contrôle, il est question de proposer aux volontaires d'enregistrer les véhicules personnels comme servant pour une personne à mobilité réduite. Donc je remarque que la réponse d'Indigo sur la clause d'insertion n'est pas pleinement satisfaisante, puisque Indigo prétend s'affranchir de la contrainte d'accompagner dans les postes à pourvoir une personne rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. Au-delà des rencontres ponctuelles pour l'emploi, des événements comme le DuoD, le délégataire doit s'organiser pour l'inclusion réelle des personnes laissées habituellement en marge des situations d'emploi, ne serait-ce que dans le cadre d'un apprentissage, d'un temps partiel ou d'un contrat à durée déterminée. Je compte sur le délégataire et sur nos équipes pour que la phase de mise au point soit la plus fructueuse possible. Donc, on le disait, le stationnement payant est étendu à certaines rues limitrophes dont on s'aperçoit qu'elles sont en tension avec du stationnement de longue durée de personnes profitant de la gratuité du stationnement à Bagnolet, comme la rue Noisy-le-Sec, limitrophe de Paris et des Lilas. Nous serons attentifs aux effets d'usage que la mise en rotation des stationnements produira sur ces périmètres. L'étape suivante sera de mettre en place l'extension du stationnement payant pour les visiteurs sur l'ensemble de la ville, comme il est recommandé par le plan local de mobilité, Test Ensemble. Pour les résidents, ils auraient toujours accès, comme actuellement, une vignette de stationnement par foyer. Stationnement résident. Je suis convaincue qu'il nous faudra mettre en place ces évolutions bientôt, dans l'optique d'un meilleur équilibre entre les zones payantes et résidentes, le plus rapidement qu'il nous sera donné d'avancer. Merci. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Cédric. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une note essentiellement technique. Il s'agit du protocole transactionnel relatif à la fourniture de cartes essence. Un dysfonctionnement technique des deux pompes essence du CTM a privé un certain nombre d'agents la possibilité de faire le plein pour leur véhicule professionnel. Cela a provoqué une situation d'urgence, on peut le comprendre. Aussi, la commune de Bagnolet a sollicité la ville de Montreuil pour mutualiser des cartes essence et pallier à ce manque de pompes. Et cela pendant plusieurs semaines, malheureusement. Donc, a posteriori, un protocole transactionnel est nécessaire pour rembourser tout simplement la commune de Montreuil. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Vionnet ? Oui, sur le principe de rembourser nos voisins de Montreuil de frais qu'ils ont engagés pour Bagnolet, on ne peut être évidemment que pour. Après, malgré tout, les chiffres qu'on voit, puisque, sauf erreur de ma part, on parle de 69 000 euros, posent quand même une question dont on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises en conseil municipal sur la gestion de la flotte automobile de la ville et du coup la gestion des carburants qui en résulte. Alors, Monsieur Carafa est prêt, la note est prête, je vous interromps. On doit faire une relecture, c'est quasiment prêt. Vous avez raison. Mieux vaut tard que jamais, parce qu'effectivement, ça fait plusieurs fois que vous me dites « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Vionnet, on va vous transmettre des éléments. » Mais donc, je lirai évidemment avec attention cette note, mais je pense quand même qu'il y a une question, un peu de fond, et vous n'êtes pas maire depuis hier matin. Il y a quand même une question de fond. Le temps passe. Comment ? Le temps passe. Tout à fait. Et il y a tout de même une question de fond dans une ville qui a les difficultés financières qu'on connaît tous, qui est amenée à faire des arbitrages. Et je pense qu'on est assez nombreux dans cette salle à penser qu'il y a des sujets sur lesquels le service public doit être maintenu. Mais d'un autre côté, nous sommes dans une ville toute petite en surface géographique, dans une ville de première couronne, dans une ville desservie par les transports en commun. Donc, je ne remets pas en cause qu'il y a besoin d'un certain nombre de véhicules de service ici, comme dans toute ville. Pour autant, je pense quand même que la question du parc automobile dans son volume est une question un peu sérieuse. Et on ne l'évoque souvent ici que parce que quand on doit vendre des véhicules... des véhicules hors d'usage. Déjà, au précédent conseil municipal, si mes souvenirs sont bons, on a été amené à délibérer sur des locations. Là, on voit un montant de frais de carburant qui est quand même significatif. Je pense quand même que c'est pas une question totalement négligeable et qu'il n'y a pas un caractère irréversible à ce qu'il y ait une dépense de parc automobile et de frais de carburant sur lequel nous n'intervenions jamais. Évolution du parc automobile et la direction générale des services techniques, en l'occurrence M. Carafa qui est là, a préparé à faire depuis son arrivée un gros travail sur le sujet et nous allons vous présenter une note et je propose qu'on la transmette à tous les conseillers municipaux puisque ça intéresse tout le monde. Dès qu'elle aura été relue, on a une petite relecture à faire, mais la note est prête et il y a un important travail qui a été réalisé depuis plusieurs mois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, si je peux juste me permettre un mot, parce que là, on a l'impression qu'on parle d'un sujet nouveau et émergent. Non, mais c'est pas. Moi, je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, malheureusement, je vieillis, donc ça fait un certain nombre d'années. Je travaillais dans une ville qui s'appelle Colombes, et à un moment donné, qui est une plus grosse ville que Bagnolet, il y a eu une décision prise de remettre en cause de manière radicale le parc automobile et de se séparer de manière massive du parc automobile, alors que c'est une ville plus étendue que la nôtre, un peu moins bien desservie par les transports en commun, et de ne garder qu'un petit pool de véhicules de service pour faire des économies significatives. Donc je suis un peu étonné. Alors entendre qu'on n'a peut-être pas de désaccord de fond En fait, mais je me dis, en 2024, et après plusieurs années où on évoque cette question en conseil municipal, me dites une note va arriver. Tant mieux. Non, mais monsieur Vionnet. Mais c'est un sujet un peu récurrent. Monsieur Vionnet, en fait, d'abord, le parc automobile évolue. Donc, il y a beaucoup de véhicules électriques, beaucoup de véhicules hybrides. Et ensuite, comme vous êtes, comme vous vieillissez comme moi, et que vous êtes fortement expérimenté, et que vous avez travaillé aussi dans cette collectivité, ce n'est pas une critique, c'est un constat, il ne vous a pas échappé que pour un certain nombre de cadres, que pour un certain nombre d'agents, un véhicule de service a longtemps été considéré comme un élément de la rémunération. Et que donc, pour faire évoluer les mentalités, et on crée des poules, mais lorsque l'on crée un pool, ça veut dire qu'on reprend des véhicules à des chefs de service, à des directeurs, et vous vous doutez bien que ça ne se fait pas sans souffrance. Je mets des guillemets au mot souffrance. Donc effectivement, il y a un travail qui est lancé et qui est lancé de manière très volontariste. Et comme on tire tous dans le même sens, ça permet d'avancer plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 12. Après la délibération 12, je vois qu'il y a les responsables de la boutique de la solidarité qui sont présents. Je proposerai de passer la délibération 36 en délibération 13. Accord à bon de commande pour la fourniture de consommables dentaires. Pour aller vite, une CAO s'est réunie le 4 décembre pour attribuer deux marchés relatifs à la fourniture de consommables dentaires en lien avec notre CMS. Le lot 1 a été attribué en commission à la société Henri Schein France. Le lot 2 a été attribué à la SAS Ortholine. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc, la délibération 36 va être examinée maintenant. Il s'agit de l'octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Boutique de la Solidarité, qui a vu sa subvention départementale supprimée. Donc, il s'agit d'attribuer une subvention de 5 000 euros à l'association Boutique de la Solidarité ici présente. Et lorsque Nicandro Piroli m'a sollicité, il m'a semblé légitime d'amender dans cette direction. Monsieur Choki Haddad. Merci, monsieur le maire. Oui. Alors, je souhaitais dire quelques mots en l'absence de ma collègue Elu Yasmina, qui n'a malheureusement pas pu se libérer pour assister à la séance du conseil municipal. Simplement pour rappeler effectivement que la boutique de la solidarité doit faire face depuis ces dernières années à une augmentation significative des demandes de la part des usagers, au moins depuis 2023, et je suppose que c'est même le cas depuis très longtemps. Voilà. Par conséquent, c'est des difficultés financières. C'est aussi des difficultés qui se traduisent dans la réponse que la boutique de la solidarité souhaitait apporter auprès des usagers, notamment des personnes en précarité, en forte précarité. Et par conséquent, il me semble, avec le maire et ma collègue Yasmina, ont jugé utile effectivement d'accorder de donner une suite favorable à cette demande exceptionnelle de subvention de 5 000 euros, ce qui vous permettra, on l'espère, de pouvoir continuer vos actions de solidarité en faveur du public et parmi lesquels les plus démunis. Voilà, je vous remercie. Elham Chahir. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, effectivement, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la boutique de solidarité accueille quand même un peu plus de 180 familles par semaine. C'est très important de le rappeler, effectivement, en collaboration aussi avec le service social de la ville. Et effectivement, on ne peut que se réjouir justement de cette subvention exceptionnelle de 5 000 euros, effectivement, du fait des difficultés qu'elle n'a pas été accordée par le département. Je tenais plutôt même tout le groupe et je pense tous les élus aussi ici présents, effectivement, à remercier Madame Guyette, ici présente, Yvette, présidente de l'association, ainsi que toute l'équipe qui, tous les jours, effectivement, s'attaque au travail et donne de son temps, effectivement, pour aider toutes ces familles dans le besoin. Laurent Jamais. Oui, je pense qu'on a été très peu nombreux à être là, la création de la boutique. Je pense que Monsieur Tony Di Marcino en y était et j'étais également J'étais présent, pardon, on me pardonne, à la création de cette boutique qui a été voulue par Daniel Mongeau et qui était voulue par Josiane Bernard à l'époque. Et donc il y a 25 ans où 4 associations et la municipalité font de cet espace particulier dans lequel on reçoit des familles. Alors il y avait le Secours Populaire, il y avait la Croix-Rouge, il y avait les chômeurs CGT et il y avait la paroisse. Je pense avoir oublié personne. L'entente paroissiale. Aujourd'hui, c'est vrai que nos amis qui sont derrière nous ont beaucoup de courage. Le cercle s'est un peu réduit, on va dire les choses comme elles sont. Et effectivement, il y a une équipe qui courageusement tient tête. Alors qu'en 25 ans, comme d'autres l'ont dit avant moi, il y a eu un afflux très important. Je pense que la période du Covid a été un moment extrêmement difficile, mais... le nombre de gens qui arrivent aujourd'hui sont de plus en plus nombreux et les moyens sont de plus en plus durs. Et voilà, il y a de moins en moins de moyens. Donc je crois qu'on prend une bonne décision ce soir en accompagnant nos amis. Je sais qu'on est tous attentifs ici, en dehors des combats politiques qui parfois nous amènent les uns contre les autres. Je crois qu'on est tous très attachés à l'existence de la boutique, évidemment à son équipe. Je sais que Nick régulièrement... parle avec chacun d'entre nous et je crois que des solutions sont trouvées dès que c'est possible et je crois que c'est souhaitable évidemment d'avoir toujours cette oreille attentive à l'action des bénévoles de la boutique de la solidarité. Donc évidemment, comme il se doit, nous voterons pour cette délibération. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, rapport de la CLECT. L'envie d'avoir envie. C'est énorme. Bravo. Bravo. Rapport de la CLECT. Est-ce que ça appelle des remarques, des observations? Pas de remarques, pas d'observations. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Décision modificative numéro 2 Et je remercie les services, notamment Mme Bourche, qui est là dans des circonstances difficiles d'avoir du travail accompli sur ce dossier. Quelques mots très rapides. Vous en avez pris connaissance, il s'agit d'une décision modificative permettant principalement d'ajuster les lignes budgétaires en fonction de l'avancement des projets et ainsi avoir une exécution budgétaire de fin d'année au plus juste. C'est pour nous l'occasion, par exemple, de nous féliciter collectivement de l'avancée des travaux de reconstruction de l'école Pêche d'Or, du centre de loisirs et de la crèche. Les délais annoncés seront tenus. La rentrée prochaine se fera donc dans une école flambant neuve. Par ailleurs, la modernisation et la fiabilisation de nos process comptables, le passage à la M57, nous amène par cette décision modificative à inscrire plusieurs opérations d'ordre, ce que ça appelle des remarques. Monsieur Vionnet. Oui, non, pas de remarques particulières sur les ajustements qui sont dans cette décision modificative, mais comme elle est en application d'un budget, je ne vais pas refaire le débat des mois après, en application d'un budget contre lequel notre groupe s'était prononcé, nous voterons contre cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le budget 2025. Délibération classique, ce que ça appelle des remarques. Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Rapport suivant, subvention aux associations avant le vote du BP 2025. Donc j'invite les membres des associations potentiellement concernées à quitter la salle avant de passer aux voix. Que certains d'entre vous sont concernés, personne n'est concerné. Est-ce que ça appelle des remarques, des observations ? Ben non. Non, non. Non, non. Allez-y, monsieur. Bon, pas de remarques, juste pour dire qu'évidemment, nous voterons pour cette délibération qui permet aux associations de continuer à fonctionner. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, autorisation de recruter un agent contractuel sur la base de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique. Il s'agit du poste de chef de nature en ville. Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Jamais. J'avais prévu une assez longue intervention, à vrai dire, sur toutes les délibérations portant sur le personnel. Donc, à ce titre, je pourrais le faire maintenant, mais voilà, ça sera un peu décalé. En tout cas, vous avez annoncé tout à l'heure que vous souhaitiez retirer des délibérations à l'ordre du jour. Il se trouvait que... S'il vous plaît, on écoute Monsieur Jamais. Il se trouve qu'effectivement, on se félicite de ce retrait. On considérait quand même qu'il y avait une forme de logique entre certaines des délibérations ce soir. Et de la même manière que Mohamed Jenan et Pierre Vionnet tout à l'heure appelaient à des débats sur des enjeux municipaux, je pense qu'il faut qu'on ait un débat un jour sur la question du personnel communal. Je pense que c'est nécessaire et obligatoire. Donc, encore une fois, moi, je me félicite du retrait de délibération qui s'était présentée ce soir, mais somme toute, elles seront à nouveau représentées. Et moi, je voulais un peu dire, voilà, donc je vais développer, si vous me permettez, évidemment, mon intervention. Très souvent, j'attire l'attention sur des articles dans l'Humanité, mais en tout cas, il y avait une intervention aujourd'hui, une interview de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Et elle était évidemment très importante, elle aborde des sujets qui sont cruciaux, évidemment la fermeture d'entreprises, mais également la casse progressive de la fonction publique, comme en témoignent par exemple les manifestations qui se sont déroulées le 5 décembre dernier, où je sais que la municipalité a apporté son soutien, je sais que vous étiez présent, monsieur le maire, à cette manifestation, mais je crois qu'on a besoin d'abord que l'ensemble des élus participent, et que je crois qu'on tire toutes les conséquences de ces positions politiques et de ces participations. Parce que on est quand même, on va se le dire, dans une période qui est complexe, qui est difficile, où les forces politiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, on peine à répondre, je dirais, aux attentes, et y compris à la situation politique en cours. Et moi, c'est pour ça que je citais Sophie Binet, parce que je trouve que comme représentante, elle n'est pas la seule, mais il y en a d'autres, aujourd'hui, elle prend de la hauteur et elle permet à la fois d'être une force, une voix cohérente et engageante. Et elle, je crois qu'elle sent évidemment la période qui suit, et je crois que l'engagement un peu particulier de la CGT dans la période législative était vital, et tout en restant fidèle à ce qu'ils sont et aux principes solides, mais en même temps essayant de répondre aux mutations qui sont en cours. Je crois qu'il faut aussi qu'on voit quel ministre de la fonction publique, alors il est démissionnaire, nous avons aujourd'hui Guillaume Kasbarian. C'était un piètre ministre sur la question du logement, en cassant notamment la question du logement social, mais il fait pareil aujourd'hui sur la question de la fonction publique, et parfois il ressemble un peu aux figures qu'on voit un peu loin, mais qui se rapprochent, comme Trump. Et moi, je crois que ces conséquences-là sont lourdes et entraînent le pays dans des choix qui vont être difficiles. Se conjugue à ça des moyens pour les collectivités locales, et là aussi... Je sais que vous ne manquez pas à vous exprimer, mais aujourd'hui, les collectivités se retrouvent dans une incapacité de mener à bien leur mission. Et je crois qu'on est face à toutes ces offensives-là, à des mutations profondes de la société sur lesquelles il faut mesurer ce qui est en train de bouger. Donc voilà, je pense qu'à partir de là, et je reviens justement à la volonté d'intervenir sur toutes les questions RH, je pense qu'il revient aux élus de jouer un rôle central, à la fois expliquer, mobiliser, rassembler, tant auprès de la population que des agents. Et donc, la municipalité doit s'appuyer sur ses agents, les organisations syndicales, respecter les instances représentatives pour préserver aussi la démocratie sociale. Donc voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une bonne décision ce soir de retirer les deux délibérations qui venaient après celle-ci. Mais en même temps, on voit bien que... les responsables du syndicat sont contraints d'écrire à la préfecture, s'expriment, et en même temps, vous avez dit tout à l'heure, CTS, oui, mais je suis encore vieux, moi, je parle de CTP encore, mais n'était pas évidemment unanime, les organisations syndicales, elles l'étaient pour dénoncer, et donc voilà, je crois que ça, il faut en tenir compte de ça. Moi, sur les questions qui nous sont posées ce soir, sur les quatre délibérations, y compris les deux qui sont retirés. Recrutement contractuel, on l'a dit, généralement c'est Pierre Vionnet qui intervient sur le sujet, mais on a très régulièrement effectivement recours au contractuel, et on voit d'ailleurs sur le tableau des effectifs la montée un peu successive depuis des années de contractuel. Voilà. Nous, on réitère notre attachement au statut contre vent et marée, contre justement un ministre et une... propension aujourd'hui à essayer de dénigrer les fonctionnaires et de dénigrer la fonction publique. Moi, je pense que c'est une question majeure. Sur la question du tableau des effectifs et la mise à jour des effectifs, quand même, on se rend compte sur quelque chose qui est quand même un peu restreint, quoi. Chef de cabinet, collaborateur qui est un chef de cabinet. On voit bien qu'on est quand même dans un monde un peu restreint, et voilà, les avancements de grade, les promotions internes restent trop rares dans cette collectivité. Et je crois que ça traduit, de notre point de vue, un manque de reconnaissance des agents et une manque de promotion interne. Voilà. Ce que vous avez retiré, j'imagine que vous les repasserez, mais il y a des questions qui sont posées, et notamment dans la lettre du syndicat. Mais moi, je pense que... nous pensons que... que la convention cadre... C'est pas inintéressant, en même temps, de se poser la question face... aux situations difficiles. La première mouvement qu'on avait, c'était plutôt de se dire bon, c'est pas intéressant, mais c'est vrai que ça individualise beaucoup le rapport entre le CIG, la municipalité et l'agent qui se retrouve un peu seul. Et donc la question qui nous est posée, c'est quand même quelles sont les politiques publiques, quelles sont les formations, quid des agents à l'issue de la PPR, oui. Et je crois que la demande qui est exprimée par la CGT, d'avoir un moment d'entretien plus particulier avec le CIG, nous semble être un moment important. On est sur des enjeux qui sont effectivement lourds, des enjeux individuels, mais aussi des enjeux collectifs. Enfin, sur l'adhésion à France Travail, alors on était quand même sur une convention cadre, sur évidemment des agents qui sont en difficulté, et après sur une adhésion à France Travail. On n'est pas quand même sur tirer la fonction publique vers le haut et la question des agents vers le haut. Le contrat, il soulève de nombreuses interrogations. Évidemment, le recours accru aux contractuels, je l'avais évoqué avant. Le manque de formation, également évoqué. Le coût réel pour la collectivité, l'externalisation d'une mission autrefois exercée par la collectivité. Et puis, pour ceux qui ont fait l'expérience de France Travail, là aussi, par manque de moyens, mais enfin, c'est de plus en plus bureaucratique et de plus en plus difficile pour les gens qui sont aujourd'hui, qui pointent, comme on dit, à France Travail. Voilà, donc nous, on va s'abstenir sur donc, les deux premières délibérations, recrutement contractuel d'un chef de service nature en ville et le tableau des effectifs. Quant aux notes, aux délibérations suivantes, eh ben, on verra un prochain conseil municipal, mais évidemment, vous l'avez compris, on est plutôt opposé à ce genre de décision. C'est noté, Monsieur Jamais. Quelques remarques. On recrute des contractuels lorsqu'on ne peut pas recruter d'agents titulaires, c'est aussi simple que ça. Et force est de constater aujourd'hui que sur un certain nombre de postes, il est extrêmement compliqué de recruter des agents titulaires. C'est le cas sur Nature en Ville, mais je pourrais évoquer également la situation, ça peut vous paraître anodin, du service voirie et la difficulté à recruter des agents de terrain au niveau de la voirie. Mais bon, c'est un autre débat. Vous l'avez évoqué, moi, que le CIG rencontre les syndicats dans le cadre de la convention cadre tripartite que l'on souhaite mettre en place pour le reclassement, ça ne me pose aucune difficulté. Simplement, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire au syndicat lors du dernier CST, c'est qu'à un moment donné, le reclassement, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux, et je ne dis pas de ce que vous venez de dire là, mais pour entendre et lire ce que peuvent écrire certains, pas les citer, de nos collègues, en fait, il ne suffit pas de claquer des doigts pour dire c'est facile de reclasser les gens, de le mettre à tel endroit, etc. Il faut faire des économies, mais pourquoi les agents, vous les mettez, pourquoi un tel, vous ne le mettez pas là ? C'est plus compliqué que ça. Et donc, s'appuyer sur un partenariat, et je comprends que l'individualisation, ça puisse être un sujet, mais s'appuyer dans le cadre d'un partenariat sérieux avec le CIG, ça peut que conforter et aider les agents qui parfois attendent depuis longtemps à être reclassés. Donc voilà, bon, on ne va pas avoir le débat ce soir, mais je pense que c'est quelque chose qui peut que nous aider. Ensuite, bon, prend ce travail. Aujourd'hui, la ville paye le chômage des agents contractuels qui ne sont plus en poste. Je pense qu'on est une des dernières collectivités dans ce cas. Donc, aller vers ce contrat d'adhésion révocable, ça me paraît logique, même si je connais la lourdeur bureaucratique de France Travail, les difficultés. Mais aujourd'hui, Bagnolet paye le chômage, parce que c'est ça dont il s'agit. On paye le chômage de nos agents. Donc, et ce n'est pas une économie qu'on fera à court terme, c'est une économie qu'on fera à long terme, puisqu'à court terme, ce sera une dépense supplémentaire. Mais nous aurons le débat le moment venu. Donc, délibération concernant l'autorisation de recruter un chef du service Nature en Ville. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération concernant la mise à jour du tableau des effectifs. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, les deux délibérations suivantes sont retirées et nous avons ensuite la dérogation au repos dominical dans les commerces. Jonji Biro. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la note concernant la demande de dérogation au repos dominical pour l'année 2025. Cette année, deux enseignes ils ont fait la demande. C'est l'enseigne Picard et Auchan. Et la demande porte sur 5 dimanches. Pour rappel, le Code de travail prévoit le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder 12 par année civile. Donc, cette année, nous avons reçu 5. Il s'agit des dimanches du mois de décembre 2025 et en plus le cinquième c'est le 31 août. Donc je vous remercie. Donc il s'agit de mettre un avis favorable à l'ouverture exceptionnelle des commerces pour ces 5 dimanches pour 2025. Merci. Merci. J'ai des remarques, des observations. Mohamed Jenan. Merci, monsieur le maire. Pour nous, l'ouverture des commerces le dimanche ne se résume pas à une simple question d'organisation économique ou de consommation. C'est le reflet d'un projet de société où l'individu est réduit à sa fonction de consommateur et où, hors travail ou consommation, il n'y aura point de salut. Ce modèle nous enferme dans une logique où tout est subordonné à la rentabilité et au pouvoir d'achat, au détriment des libertés individuelles, des loisirs et de l'accès à la culture. Cette vision est celle d'un monde qui nie les besoins fondamentaux des individus. Se retrouver en famille, entre amis, ou simplement prendre le temps de vivre. Elle sacrifie des valeurs essentielles sur l'autel de la surconsommation. Car derrière cette mesure, ce sont des travailleuses et des travailleurs qui perdent un jour de repos, un moment de vie sociale ou une opportunité de s'épanouir en dehors du cadre professionnel. Nous refusons cette logique. Nous défendons une société qui ménage des espaces où chacun peut jouir de sa liberté, de ses loisirs et de son droit à la culture. Une société où le dimanche, jour de repos commun, reste un temps à part, dédié à tout ce qui fait la richesse d'une vie humaine au-delà du travail et de la consommation. Les arguments avancés pour justifier l'ouverture des commerces le dimanche sont souvent fallacieux. On ne parle de croissance, d'emploi ou de pouvoir d'achat. Mais en réalité, cette ouverture ne fait qu'aggraver la précarité des travailleuses et des travailleurs sans créer de richesses supplémentaires. Elle transforme un temps collectif en temps marchand, au bénéfice des grandes enseignes et au détriment des petits commerces de proximité. Nous devons nous interroger sur le modèle de société que nous voulons. Une société où l'humain est réduit à un rouage de marché, ou une société qui respecte et valorise le droit au repos, à la famille et aux loisirs. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à l'ouverture des magasins le dimanche. Cette opposition n'est pas seulement économique, elle est profondément politique et sociale. Elle porte une valeur d'une société plus humaine où la liberté, le repos et la culture ne sont pas sacrifiés à la logique marchande. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agira de prendre acte. Rapport d'activité de l'EPFIF pour l'année 2023. Cédric. Alors, cette délibération est le compte-rendu d'activité 2023 concernant l'action de l'EPFIF sur notre commune. Elle répond à une demande, notamment de l'opposition, en l'occurrence M. Vionnet, lors d'un précédent conseil municipal, d'avoir une synthèse. Quels sont les points saillants ? Alors, j'en nommerai quatre. Le premier, c'est l'EPF qui intervient au 47-57 avenue de la République, avec le promoteur EFAGE et une programmation mixte mêlant chambre étudiante et pension de famille. Pour information, un PC est en cours d'instruction. Et je vous informe aussi que pendant l'année, parce que le compte-rendu, c'est celui de 2023, mais il y a eu des avancées courant 2024 et autant vous mettre à jour, la création de la future voie piétonne Est-Ouest qui était dans l'étude Lozeral a été sécurisée avec l'achat d'un petit foncier à un propriétaire privé. Deuxième point saillant, le PF intervient aussi au 133-145 avenue Gallieni, un lieu dit plus connu sous le nom de Top Info. C'est un lieu stratégique pour requalifier l'avenue. Une consultation est en cours avec un cahier des charges qui fixe la création d'un nouvel équipement. Un nouvel équipement public sportif à cet endroit, côté rue Jules Ferry. 17 candidatures de groupements promoteurs, architectes, paysagistes ont été enregistrées et nous reviendrons vers vous avec les conclusions de l'étude. Troisième point saillant, le PF intervient aussi à l'angle Lieutenant Thomas et Édouard Vaillant pour mener une reconversion totale et définitive d'un ancien site industriel pollué qui a fait couler un peu d'encre, beaucoup d'encre, lors des précédentes élections municipales. Enfin, quatrième point saillant, je trouve, c'est que l'EPF intervient aussi sur le 6 rue Jean Jaurès, connu pour être l'IMGP 2, c'est l'ancien bâtiment Veolia, si mes souvenirs sont bons, qui accueille actuellement et temporairement un espace de coworking. Donc le temporaire dure malheureusement. La municipalité a beaucoup œuvré pour lever une servitude de hauteur qui contrariait le projet. Au final, le lauréat a abandonné son projet au vu des difficultés conjoncturelles. Il faut donc malheureusement à cet endroit construire un nouveau projet de zéro. Voilà pour les points saillants, monsieur le maire. Merci Cédric. Monsieur Violet. Oui, donc je ne peux que me féliciter de la présentation à ce conseil municipal du rapport d'activité de l'EPF, puisque, comme il a été dit, on avait été amené plusieurs fois à délibérer et j'avais regretté qu'on le fasse sans avoir d'éléments de rapport d'activité, parce que sur le fond, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, nous sommes tout à fait favorables avec le partenariat, nous sommes tout à fait favorables au partenariat avec l'établissement public foncier, puisque effectivement, c'est un outil public de maîtrise du foncier et qui permet d'acheter des terrains sans faire peser de frais financiers sur les collectivités. Donc ce partenariat est déjà ancien, hein, puisqu'il date de votre prédécesseur. Il se poursuit c'est tout à fait positif. Donc nous prenons acte favorablement de ce rapport d'activité. Évidemment, par rapport aux opérations que vous avez pu évoquer, ce à quoi nous sommes favorables, c'est le rapport, c'est le partenariat avec le PF. Il n'emporte pas nécessairement approbation de toutes les opérations qu'il contient, puisque ce sont les opérations qui correspondent à votre politique municipale, puisque l'EPF n'est qu'un outil de maîtrise foncière. C'est pas lui qui décide des opérations et c'est la municipalité. Mais ce rapport est tout à fait complet. Moi, je l'ai consulté avec intérêt. Ce rapport est tout à fait complet et intéressant. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de croiser hier le directeur général de l'EPF, Gilles Bouvelot, et effectivement, ce rapport est tout à fait complet et répond aux attentes qui peuvent être les nôtres. Merci. Autre remarque ? Je propose de prendre acte. Remarque à Pierre Vionnet, c'est parce qu'il parlait du prédécesseur, mais il sait très bien, lui comme moi, qu'il ne l'avait pas mis en œuvre. Que, au-delà de ça, c'est qu'on a dû se bagarrer un peu, mon cher Pierre, pour que la première convention avec l'EPF ait lieu. Voilà, c'était Pierre et moi, enfin voilà, c'était juste... Oui, oui, et puis... Non, j'ai sûr qu'à l'époque, on a dû discuter. Hein. Elle n'avait pas été mise en œuvre. Ouais. Effectivement, elle a été signée, mais pas mise en œuvre. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit le directeur de l'EPFIF, M. Gilles Bouvelot, pour ne pas le citer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Comme d'ailleurs, si on continue, comme d'ailleurs la convention en rue, pour laquelle un certain nombre s'était battu pour qu'elle soit signée, et heureusement... puisqu'elle permet dans la durée des financements à Bagnolet, mais qui n'avait effectivement pas été mis en œuvre. On est d'accord. D'autres remarques ? Je propose de prendre acte de la présentation de ce rapport. Cédric, tu enchaînes, tu prends la présidence. Quelques instants. Alors, donc, délibération numéro 23, rapport annuel Société anonyme d'économie mixte, c'est quoi nous, pour son exercice 2023. Donc, la ville est actionnaire de la SAEM Sequano. À ce titre, il nous faut émettre un avis sur son rapport annuel 2023. Alors, quels sont les points saillants portés par cette SAEM ? J'en vois deux. Le premier point, la CPA Lanoux qui arrive à son terme et dont nous parlerons, j'imagine, davantage sur une prochaine délibération. Et en deuxième point saillant, la construction d'un village d'artisans, 31 villas, en lieu et place d'un ancien terrain vague et aussi pollué à l'époque et qui a aussi fait couler de l'encre lors de la précédente campagne municipale. Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des questions ? Monsieur Vionnet. Oui, alors autant je disais à l'instant que nous prenons acte favorablement du rapport d'activité de l'EPF, autant le compte-rendu d'activité de Sequano fait plus que nous poser des questions. Alors, il y a trois éléments dans ce rapport d'activité. Il y a des éléments de rapport sur l'activité globale de cette société, qui est une société d'économie mixte et une société publique locale départementale, donc avec plein de sujets qui ne concernent pas Bagnolet. Donc, c'est pas très intéressant d'en discuter ce soir. Mais il y a un deuxième corps d'activité qui, je dirais, est l'activité classique d'un aménageur public, qui est des conventions publiques d'aménagement, comme par exemple celle de Lanoux que vous avez évoquée et sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Et puis, il y a une toute petite partie dans ce rapport qui traite des activités plus atypiques, on va dire, de la société, et notamment des activités où cet aménageur public s'aventure dans des activités de promotion privée, ce qui est légal, mais ce qui peut faire l'objet d'un certain nombre de débats. Et notamment, on y retrouve le cas du village business, hein, c'est pas moi qui invente le terme, c'est comme ça qu'il a été décidé de l'appeler, bon, village business, sur l'ancien terrain PIF. Bon, je ne vais pas refaire le débat sur lequel nous sommes intervenus en conseil municipal au moment de la délibération de vente du terrain, puisque, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, et je le fais très brièvement, c'est sans doute le dernier terrain libre à forte valeur possédé par la commune de Bagnolet, et vous avez choisi de le vendre, nous avons dit le brader, et je continue de le penser, à un prix très très faible. Vous l'avez justifié, le maire et vous, en disant « Ah, mais c'est parce que nous avons choisi de faire une densité faible et de faire de l'activité économique ». Sauf que quand on lit quand même le rapport de Sequano, on se dit que la valorisation de ce terrain, si elle est perdue pour Bagnolet et pour les habitants de Bagnolet, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Puisque quand même, si j'ai bien lu, il est indiqué dans le rapport d'activité de Sequano qu'il y a 318 000 euros d'honoraires relatifs à cette opération de village business, qu'il y a 286 000 euros de marge sur cette opération. Donc on n'est pas en train de parler de petits montants marginaux, sachant que on sait que cette opération n'est pas une opération publique, hein, puisqu'elle fait l'objet d'une copromotion entre Sequano et une société qui s'appelle Human, société qui est bien connue chez nos voisins de Romainville, où elle est désormais totalement blacklistée, y compris, et elle n'est pas simplement blacklistée par la municipalité, puisque, par exemple, l'an dernier, des habitants de bâtiments construits par cette société, ça avait fait l'objet il y a un peu plus d'un an d'un article dans Le Parisien, se sont rassemblés pour protester contre cette société. Cette même société a fait un village business du même type à Romainville, dont l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme de cette commune me disait encore il y a quelques jours qu'il y a des dysfonctionnements majeurs, et des soucis de voisinage, et y compris des engagements non tenus, c'est-à-dire que là où ils avaient raconté que c'était des lots artisanaux, on a un certain nombre d'activités commerciales dedans, donc avec quand même un certain nombre de soucis. Et puis je constate aussi, je l'ai découvert là à travers ce rapport, puisque vous nous aviez simplement fait délibérer sur la vente du terrain, et si mes souvenirs sont bons, vous nous aviez expliqué que c'était destiné à vendre ces villas d'artisans directement à des artisans, et je découvre dans le rapport que ce projet fait l'objet d'une vente en bloc à un groupe d'asset management immobilier dont j'avoue j'ignorais l'existence, qui s'appelle Braxton, je l'ai découvert en lisant le rapport. Du coup, je suis allé regarder sur Internet ce que c'était que Braxton, et sur la page d'accueil de cette société, on lit « spécialisé dans les opérations à haut rendement et à forte création de valeur ». C'est les premières lignes de leur site. Donc, je ne veux pas revenir sur le débat qu'on avait déjà eu, où on considérait qu'un des derniers terrains propriété de cette ville qui valait de l'argent avait été bradé. Il l'a été à un groupement avec une société qui est quand même, donc moi je ne connais pas du tout les dirigeants, etc., mais qui visiblement est très défavorablement connue de nos voisins. Et on découvre dans le rapport de Sequano que, en plus, de manière très différente de ce qui nous avait été dit, tout cela fait l'objet d'une vente en bloc à une société d'assets immobiliers. Donc voilà, donc on se dit qu'il y a très peu de recettes foncières pour la ville, mais qu'entre les 280 000 euros d'honoraires, les 318 000 euros de marge, sans parler sans doute de la culbute que font les promoteurs en vendant à cette société, puis de la culbute que cette société récupérera sur les loyers ultérieurs, que si Bagnolet et les Bagnoletais n'ont pas gagné grand-chose à la vente de ce terrain, il y en a d'autres qui ne sont pas à plaindre dans cette histoire. Non, mais en fait, on a déjà eu le débat là-dessus. Donc, en fait, il n'y a pas de culbute et surculbute. La question de base, c'est est-ce qu'on construit ou pas sur ce site ? Je vous rappelle l'engagement qui avait été pris par la précédente municipalité en 2014, qui était de ne pas densifier sur ce côté-là de l'anneau, en dehors de l'offre, de la reconstitution de l'offre de logement dans le cadre du PRU 1, d'où la construction en cours de séquence. Donc on s'est engagé à ne pas construire, à ne pas densifier. Je rappelle, je ne voulais pas vous faire un jour à rappeler les projets de tours, etc., les bagarres en conseil municipal, les pugilats en 2011-2012 en séance du conseil municipal, etc. etc. Je ne vais pas vous rappeler tout ça. On s'est engagé à ne pas densifier. On n'a pas densifié. On a essayé de trouver un projet économique, de développement économique. Voilà, c'est ce qui s'est fait avec Human. Alors après que Human ait des problèmes à Romainville, Human a son siège social à Romainville. Bon, voilà, c'est pas moi qui ai demandé à Human de s'implanter. Human, vous me dites, a des problèmes sur des projets de construction de logement. Human ne construit pas de logement sur le site. Vous me dites que la villa d'artisans de Human à Romainville suscite, entraîne des difficultés. On y sera extrêmement vigilant et je pense que Sequano va nous aider à y être également vigilant. Donc on peut avoir toujours les mêmes débats, mais on ne peut pas dire vous densifiez trop, vous bétonnez. Et vous vendez pas, en fait. Vous voyez, c'est ça la difficulté et la contradiction totale. La contradiction totale. Vous me reprochez d'avoir endetté la ville. Je vous ai écouté. Vous me reprochez d'avoir endetté la ville et vous vous félicitiez il y a 5 minutes avec Laurent Jamais d'être à l'origine du PRU 1 et vous rappeliez vous-même, Monsieur Vionnet, que mon prédécesseur ne l'avait pas engagé. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, vous êtes confronté à vos propres difficultés, à vos propres contradictions. Et voilà, donc effectivement, on a endetté la ville entre 2014 et 2020 parce qu'on a réalisé un programme de renouvellement urbain. Et là, on en réalise un second et on transforme des quartiers entiers. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut aller chercher l'argent, il faut sortir. Donc, on a emprunté. Vous dites, vous bétonnez, vous densifiez. Mais en même temps, vous me dites pourquoi vous êtes allé chercher. Mais en fait, s'il y avait meilleur preneur, vous savez, on a travaillé pendant 4 ans pour essayer de sortir un projet sur ce site à Jean-Lolive. On a eu la RATP à un moment donné, un dépôt bus, on a eu des commerces, des centres commerciaux, etc. Mais au final, il ne s'est rien passé. Au final, il ne s'est rien passé. Donc, on s'est engagé sur ce projet. On va y être extrêmement vigilant. Et oui, il n'y a pas les recettes. Vous oubliez quand même qu'on a délibéré au précédent conseil municipal sur la vente d'une parcelle où d'ailleurs vous nous aviez fait part de vos réserves avant une suspension de séance à hauteur de 6,1 millions d'euros. Bon, voilà. Donc, et puis de l'autre côté, vous me reprochez de brader le patrimoine de la ville. C'est, à un moment donné, voilà, il faut être cohérent, il faut aller essayer de chercher l'argent là où elle est. On essaye de ne pas bétonner, on essaye de développer. Et honnêtement, à cet endroit-là, de la rue Jean-Lolive, je ne vois pas ce qu'on pouvait faire d'autre, très sincèrement. Ça relie les deux quartiers. Voilà, et on va relier les deux quartiers, comme le dit justement Cédric. Vas-y, Cédric. Et je pense qu'on n'a pas de problème de cohérence sur cet endroit-là. Et d'ailleurs, vous rappeliez la délibération de la dernière fois sur Gallieni. Je vous invite quand même à faire le rapport de surface de terrain valorisée à 6 millions d'euros et de surface de terrain valorisée à presque rien dans ce cas-là. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien que vous disiez on ne densifie pas, etc., etc. Mais je pense qu'en même temps, une ville a le devoir, surtout quand elle est en situation financière difficile, d'essayer de trouver une valorisation de son patrimoine, surtout que vous semblez dire que vous ne bétonneriez pas là. Je me souviens très très bien de ce projet. C'est un projet qui imperméabilise très très fortement ce terrain. Et on est bien loin, je me souviens que certains de vos adjoints, au moment d'une campagne municipale récente, proposaient un petit bois. On est bien loin du petit bois, on est plutôt dans une imperméabilisation. Mais pour revenir sur l'objet de la délibération, même si j'ai rappelé des éléments de contexte, et je l'ai d'ailleurs dit en introduction, je n'ai pas réouvert le débat global puisque nous l'avions eu en conseil municipal. Par contre, ce que j'ai découvert en consultant ce rapport d'activité, ce que j'ai découvert et que j'ignorais totalement avant la lecture, c'est les centaines de milliers d'euros d'honoraires, c'est les centaines de milliers d'euros de marge, et c'est le fait que, en plus, ça ne faisait pas l'objet d'une vente directe à des artisans, etc., mais d'une vente en bloc à une société internationale d'investissement immobilier. Et donc, ce n'est pas les éléments de débat qu'on avait eu il y a un certain nombre de mois, ce sont des éléments nouveaux que nous découvrons dans cette délibération. D'autres remarques ? Et sur lequel vous ne répondez pas. Sur quoi ? Ah non, il y a un commercialisateur, je vous l'ai dit, il y a un commercialisateur unique qui s'appelle Braxton qui a aussi acquis un bien rue Jules Ferry, malheureusement. Mais vous devriez être informé, monsieur Vionnet. Moi, je suis informé quand je lis les documents que vous nous transmettez. Vous êtes informé. Il y avait peut-être Braxton Osimi, il y avait certainement Human Osimi. Voilà. Donc, vous rencontrez l'EPFIF Osimi, alors peut-être que vous rencontrez. Si vous rencontrez Gilles Bouvelot, vous rencontrez Pascal Poplin, vous rencontrez. Voilà. Moi, j'échange plus avec le directeur général d'un établissement public qu'avec, moi je ne connais personne, contrairement à vous, chez Braxton et Human. Ah, moi je ne les connais pas, Braxton. Et je m'en porte très bien. Braxton, je ne les connais pas, ils ont acheté par des cessions de parts, on ne les connaît pas, et c'est bien le sujet sur la rue Jules Ferry. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres observations ? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La suivante. Cédric. Donc, rapport annuel, cette fois-ci, de la SPL Sequano Grand Paris pour ses exercices 2022 et 2023. La ville est actionnaire de la SPL Sequano Grand Paris. À ce titre, il nous faut, comme la délibération précédente, émettre un avis sur son rapport annuel. Alors, quel est le point saillant, puisque j'essaie de résumer au mieux ces grands rapports ? Donc, sur le territoire de Bagnolet, cette SPL intervient sur les opérations d'aménagement des quartiers NPNRU de Lannou et des Malassis, c'est-à-dire plus précisément autour de la destruction de la dalle Thorez et de la requalification totale de la seconde dalle. Est-ce qu'il y a des remarques ? Sur Sequano, M. Lionel. Non, pas de remarque particulière, puisque là, c'est l'activité de SPL, donc c'est l'activité d'utilité publique de la société. D'ailleurs, vous disiez d'ailleurs que vous écriviez que Pascal Poplin était un ancien député socialiste qui était un de mes amis. Et c'est le même dirigeant, vous vous souvenez quand vous écrivez ça ? Il est factuellement vrai que Pascal Poquelin est un ancien député socialiste. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Avis sur le PDA Église Saint-Leu-Saint-Gilles. Cédric. Alors, il s'agit là d'une note très technique. Il existe actuellement au sein du PLUI un périmètre de protection autour de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles qui correspond à un rayon de 500 mètres et qui oblige à demander l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Une loi de 2016 permet de substituer à ce rayon un périmètre délimité des abords, dit PDA, qui correspond à un découpage parcellaire plus intelligent, plus pertinent et plus raisonné. Est-ce qu'il y a des remarques ? Des observations, Monsieur Vionnet. Alors, plus pertinent, plus raisonné, plus je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Soyez pas méprisant, Monsieur Vionnet. Par contre, non, mais je suis pas méprisant. Je dis, je n'en sais rien. Par contre, plus petit, je le constate, puisque pour ceux là au-delà, c'est, je pense, c'est pas une question si technique que ça, parce que c'est une question de. Et d'ailleurs, ça a un rapport avec les délibérations qui vont suivre sur le PLUI. Ça, c'est une question relative au patrimoine de notre ville. Et donc, effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand un monument historique est protégé, ce qui est le cas de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, il y a un périmètre de 500 mètres dans lequel l'avis de l'architecte des bâtiments de France est sollicité. Et comme vous l'avez dit, il y a la possibilité de redessiner ce périmètre, et là, il est redessiné de manière beaucoup plus petite. Alors, je n'en méconnais pas l'intérêt pour les architectes des bâtiments de France, parce que, comme vous avez l'air de connaître mon emploi du temps, il se trouve qu'encore cette semaine, j'interviens dans la formation des architectes des bâtiments de France depuis un certain nombre d'années, et j'ai fait une de mes matinées de formation cette semaine. Et comme les architectes des bâtiments de France ne sont pas très nombreux dans ce pays et sont plutôt en sous-effectif, ils ont un gros problème à gérer tous les avis qui leur sont soumis. Et ce qui est d'ailleurs regrettable par ailleurs. Et donc, du coup, plus les périmètres sont petits, quelque part, plus ça les arrange, parce que moins ça fait de volume de permis de construire à regarder. Dans le cas qui nous intéresse quand même directement, pour ceux qui ont regardé le périmètre, hein, il a quand même très nettement fondu. Et ça veut dire que tout un tas de secteurs, et qui sont des secteurs où il y a des opérations immobilières significatives dans la période récente et sans doute dans celle à venir, du côté de l'avenue Gambetta, tout ce secteur-là sort du périmètre soumis à l'avis de l'ABF. De la même façon, les tours mercuriales, qui sont quand même un enjeu patrimonial certain dans notre ville et qui étaient dans le périmètre des 500 mètres, en sortent. Donc moi, je trouve que la question, parce qu'on peut dire c'est un truc administratif, on a redessiné le périmètre, la question de fond que ça pose, c'est que si on considère que l'avis d'un architecte des bâtiments de France, moi je ne suis pas architecte des bâtiments de France, mais si on considère que l'avis d'un architecte des bâtiments de France est un avis intéressant, et ils sont payés pour ça, pour sauvegarder et veiller à la sauvegarde du patrimoine de notre pays, si on considère que c'est un avis intéressant et que c'est un élément de veille sur le patrimoine de notre ville, je pense que ce n'est pas une très bonne nouvelle que le périmètre soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France soit fortement réduit. Oui, on avait plutôt au démarrage, quand on reçoit les dossiers, qu'on n'a pas forcément le temps de se plonger dans le dossier, je dirais entièrement, un avis plutôt favorable à la lecture qu'en fait notre collègue Pierre Vionnet. Ça nous interroge beaucoup parce que il y a ce qu'il évoque et puis il y a peut-être aussi votre intérêt. Vous l'avez déjà évoqué, dans ce conseil, c'est que la pression est parfois forte de la part de promoteurs. Donc c'est difficile. Parfois pour les services, pour les élus, de trouver la bonne décision. Il se trouve que l'architecte des bâtiments de France, parfois, lorsqu'il émet un avis, peut être utile pour dans le bras de fer que peut avoir une collectivité face à des promoteurs. Donc ça me semble, au regard de... Enfin, bon, voilà, nous, notre vote, il est défini, hein, il est contre, mais ça me semble être une bonne... ça vaut le coup de peut-être, au regard de ce que vient de nous dire Pierre Vionnet, peut-être, s'il est possible, de repousser cette décision. Et peut-être laisser le temps encore un peu d'y voir plus clair. Cédric. En fait, sincèrement, je suis un peu déçu par la locution de Pierre Vionnet, qui est quand même le meilleur expert de la promotion autour de cette table, parce que c'est son métier, tout simplement, et que quand on traîne au CIMI, on rencontre effectivement des responsables à droite et à gauche de la promotion immobilière. C'est le cas, hein. Enfin, après, c'est pas moi qui, au conseil municipal, dis que je suis approché par les PFIF au sein du CIMI hier. C'est en ce moment, effectivement... Les PFIF, c'est un instrument public. Oui, mais c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Donc, si vous voulez, quand... c'est vous qui amenez au conseil municipal le fait que vous étiez au CIMI hier. On ne vous espionne pas, monsieur Vionnet. Donc, si vous voulez, c'est vous qui le dites et on retient. D'accord, ok. Maintenant, après, là où vous faites un mélange très malin de votre part pour semer en fait le trouble, aussi bien au sein du conseil municipal que de vos collègues de l'opposition, c'est qu'il ne faut pas confondre le PLUI et l'avis de l'ABF. Ce sont deux choses complètement différentes. Là, en l'occurrence, le PLUI n'est pas touché, et vous le savez très bien, M. Vionnet, donc ce n'est pas la peine d'alarmer ou de dresser un tableau noir. Il n'y a pas de promoteur demain, au contrat de M. Laurent Jamais, ce qu'il vient de dire, qui va venir s'installer à côté de l'église, ne pas respecter le PLUI et construire un bâtiment de grande hauteur à côté. Il faut respecter le PLUI dans tous les cas. Et aujourd'hui, le PLUI est restrictif à cet endroit-là. Donc, il n'y aura pas de contraintes. Cependant, là où c'est utile pour certains concitoyens, c'est qu'effectivement, on pouvait se retrouver dans le rayon des 500 mètres, et ça, je pense que vous l'avez vécu dans votre métier, M. Vionnet. Et en l'occurrence, l'habitation ne voit pas l'église, et l'église ne voit pas la future construction, qui sont généralement des petites constructions. Et j'ai en tête plein de riverains qui sont venus me voir, parce qu'en fait, ils étaient soumis à l'avis de l'ABF, alors qu'ils sont dans le rayon des 500 mètres, ils n'en voient pas l'utilité, et ils avaient raison. Donc, je peux effectivement comprendre que l'ABF essaie d'avoir un peu moins de travail. Oui, ça, c'est fort possible. Mais après, la note qui vous est présentée aujourd'hui, elle n'a pas été dessinée par M. le maire, elle n'a pas été dessinée par le premier adjoint à l'urbanisme. Elle est en fait la résultante d'un travail technique où en fait les équipes techniques de la mairie, sur considération des ABF, se sont dit comment redessiner quelque chose de valable, comme je disais tout à l'heure, de plus malin, de plus serein, qui permet qu'on puisse travailler mieux, tout en justement essayant de préserver la visibilité autour de l'église. Donc, encore une fois, moi je pense que ça ne sert strictement à rien d'alarmer. Il n'y a pas d'anguille sous roche et on n'est pas soumis, ça je peux vous le dire d'emblée, à une promotion, enfin à une pression quelconque d'un promoteur. C'est plutôt les promoteurs, quand ils viennent ici, qui sont soumis à notre pression, ça je peux vous le garantir. C'est plutôt l'inverse. Donc ça ne sert à rien d'alarmer. Et une précision qui me paraît quand même, parce que vous l'avez dit dans votre introduction, lorsque vous avez expliqué que vous les formiez, en fait, la proposition, elle émane des architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'émane ni de Cédric Pape, ni de Tony Di Martino. C'est de eux dont elle émane. Et effectivement, l'avis de l'ABF, c'est toujours utile. Parfois, c'est une contrainte pour certaines petites constructions. Et j'ai en mémoire un projet au 8, Francisco Ferrer, il y a quelques années, où il a fallu faire des pieds et des mains, parce qu'en fait, justement, les voisins immédiat voulait qu'on change la couleur de la nouvelle construction. Et on était dans le périmètre de l'ABF et ça compliquait beaucoup les choses. Donc voilà, c'est pas nous qui avons sorti ça de notre chapeau. C'est, en l'occurrence, c'est l'ABF qui nous a sollicité, en l'occurrence, l'UDAP. Et pour finir, parce que pour démontrer en fait à vos propres collègues que vous avez fait un petit mélange subtil pour essayer d'alarmer en fait... les élus du conseil municipal ou ceux qui nous écoutent, sincèrement, il va falloir me démontrer en quoi les tours mercuriales sont impactées par cela. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, elles sont protégées et elles doivent être reconstruites à l'identique. Voilà. Là, avis d'ABF ou pas d'avis d'ABF, la protection est supérieure. Et vous le savez très bien, monsieur Vionnet. Vous le savez très bien. Donc, j'apprécie que vous me testiez lors des commissions, parce que j'ai quand même bien compris votre subtilité. C'est malin de votre part, mais j'apprends avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais pertinemment que vous savez très bien ce que vous dites, et vous savez très bien que là, vous faites un mélange des genres pour alarmer. Monsieur Vionnet. Si je peux me permettre juste un mot, j'avoue que je n'ai pas très bien compris la réponse, parce que très factuellement, parce que je veux bien qu'on fasse plein de considérants et de divagations diverses, très factuellement, le périmètre dans lequel l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui est un fonctionnaire de l'État payé pour défendre le patrimoine, le périmètre dans lequel son avis sera sollicité est fortement réduit. Et je, par rapport à ce que vous avez dit, M. Di Martino, effectivement, ça peut quelque part les arranger parce que ça minimise leur masse de travail et de dossiers à regarder. Après, on peut discuter. Est-ce que c'est l'intérêt de la ville que ce regard s'exerce sur un périmètre plus restreint ? Ce que j'entendais, ce que disait M. Pape, oh, bah, ça embête des gens dans leur permis de construire. Ou est-ce qu'on considère que dans une ville où beaucoup de patrimoine a été détruit depuis des décennies, c'est un aspect positif d'avoir un architecte des bâtiments de France dont l'avis est sollicité? Voilà, le débat, il est juste là. Et il n'est pas sur d'autres sujets. Non, mais de toute manière, excusez-moi, vous savez très bien ce que vous dites et vous connaissez très bien votre métier. Juste après, on a une délibération qui vient augmenter de plus d'une centaine de lotissements une protection de bâtiments sur la commune. Donc ne me dites pas, en faisant un peu de teasing, donc en avançant d'une délibération, qu'on ne va pas protéger les bâtiments de la ville et l'histoire de la ville, alors que c'est le sujet juste après, lors de la modification de la révision du PLUI. Donc, comptez sur nous pour protéger le patrimoine bâti de la ville. C'est notre envie, c'est notre conception. Ce n'est pas l'inverse, puisqu'on va délibérer dans quelques instants là-dessus. Donc là, encore une fois, vous faites un subtil mélange. Mais effectivement, je ne fais pas de réponse méprisante, je vous respecte énormément, mais là, sincèrement, je vois très bien à quoi vous jouez. Vous alarmez. Nous y reviendrons sur les délibérations à venir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cet avis à rendre sur le projet transmis par l'UDAP ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Avis sur le PPRN. Mouvement de terrain. Cédric Pape. Alors, la ville de Bagnolet subit de forts aléas, de mouvements de terrain dans certains quartiers et certains particuliers, effectivement, que je peux recevoir, subissent de fortes dégradations de leurs biens immobiliers. Ces mouvements sont notamment dus par l'existence par le passé d'exploitation d'extraction de gypse des carrières, qui déstabilisent aujourd'hui le sous-sol malgré le remblement de ces dernières. On peut constater des affaissements, on peut constater des effondrements, des fissures de bâtiments. Ce PPRN propose deux zones réglementaires, une rouge et une bleue, avec des règles de construction contraintes. Ce PPRN permettra aussi, et c'est sans doute l'élément, à mon sens, le plus important de cette délibération, à tout particulier de bénéficier d'une aide issue du fonds Barnier. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération suivante. Cédric. Ouais. Alors, la modification 3 du PLUI est une compétence territoriale suivie évidemment avec attention et sérieux par la ville. Comme PPA, c'est-à-dire personne publique associée, la ville, via son conseil municipal, doit émettre un avis sur cette modification. Les objectifs majeurs suivis lors de cette modification sont, entre autres, des corrections au règlement écrit et graphique, la consolidation des dispositions réglementaires relatives à l'ambition de renaturation du territoire et aussi de la ville. La municipalité inscrit donc dans son règlement d'urbanisme l'exigence forte qu'elle porte à protéger et à développer son patrimoine arboré. C'est un moment fort, c'est un signal écologique prégnant. Certes, le travail n'est pas exhaustif, mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est un bond important et concret, réalisé avec l'aide des services compétents de la ville et notamment de mon collègue Vincent Douce-Cissé. Quelques chiffres. Passage de 7 à 16 arbres à protéger, plus 9. Passage de 0 à 40 alignements d'arbres à protéger. Passage de 0, encore une fois 0, à 5 espaces boisés protégés. Passage de 5 à 14 espaces cultivés protégés. Et la volonté, poursuivre la recommandation de certains élus, de créer 7 nouveaux alignements d'arbres. La majorité municipale tient donc un de ses engagements, celui de rendre la ville plus durable à Bagnolet. Des remarques, des observations ? Edith Félix. Merci, Monsieur le maire. Donc oui, le PLUI d'Est Ensemble est un outil majeur pour l'élaboration de notre urbanisme. Avec son territoire avec son passé de territoire servant à l'est de la capitale, Est Ensemble prend en main son destin pour aménager une ville plus saine, avec plus d'espaces verts, une ville mixte qui associe lieux de vie, lieux culturels et activités économiques, et une ville équilibrée dans ses flux de transport, comme le détaille le plan local de mobilité, document de planification supérieure qui fait partie de ce PLUI. Cette modification numéro 3 du PLUI apporte un grand nombre d'améliorations et il faut saluer le travail important des services qui ont travaillé dans le détail sur un très grand nombre de données. Je salue notamment une disposition pour conforter et créer une continuité verte et écologique au quartier du Plateau, entre le parc Audin et le stade de la Briqueterie. Cette trame se prolonge sur toute l'avenue Raspail jusqu'au stade des Rigondes. Il longe également la rue Louise Michel jusqu'à la rue Anatole France, où se trouvent les jardins partagés. J'ai demandé qu'une étude soit menée pour définir comment associer également les parcelles des deux stades, des deux cimetières, du gymnase Fanara et des jardins partagés, pour que cette trame sur voirie, pour aller au-delà de cette trame sur voirie, et que l'ensemble constitue un réel refuge de biodiversité. Aujourd'hui, les chauves-souris ou les pipistrelles fréquentent le quartier du Plateau, ce qui est un bon signe pour la biodiversité. Mais les arbres sont toujours et encore plus menacés. Cela va jusque dans le projet de réaménagement du 82 rue Anatole France, qui prévoit l'abattage d'un cyprès du Canada pour créer une voie d'accès à un parking souterrain. Ce projet de réhabilitation de la cité est plus que nécessaire, il est, je dirais, urgent vu les conditions de détérioration avancée des logements, infiltration par les toits, tuiles, plafonds qui s'écroulent, murs moisis d'humidité, fenêtres brinque-ballantes et isolation en rapport. Néanmoins, je l'ai dit lors de la présentation du projet qui nous a été faite, ce projet ne doit pas se faire au prix de l'abattage des arbres qui font de la rue Anatole France une belle rue, ni au prix de l'abattage des grands platanes du terrain de boules qui font respirer le quartier. Malgré nos demandes pour être associés à l'élaboration du PLUI, chaque nouvelle décision modificative du PLUI nous est présentée alors qu'il est trop tard pour l'amender. L'objectif de renaturation porté par le PLUI n'a pourtant pas été oublié, hein, on l'a dit, 9 arbres en plus à protéger, 40 alignements, etc. C'est très bien, c'est conséquent, même s'il y en aurait en fait beaucoup plus qu'il faudrait protéger. Et donc il manque absolument un alignement d'arbres rue Anatole France comprenant une diversité d'arbres remarquables, tilleuls, thuya ou cèdre du Canada, caroubier, cèdre, et j'en passe. Nous proposons également que l'ensemble des arbres plantés dans le cadre du plan d'un arbre d'Est Ensemble entre systématiquement dans la liste des arbres à protéger. Bon, écoutez, quelques remarques d'abord. Dire aujourd'hui que le projet du 82 Anatole France remet en cause l'existence d'arbres, alors qu'aujourd'hui nous n'en sommes qu'au stade de faisabilité grosse, qui ont été présentées aux membres du bureau municipal et qui a été validée par l'ensemble des membres du bureau municipal. Projet, je le rappelle, qui a le soutien d'Est Ensemble, qui a le soutien de la DRIL et qui doit passer dans les prochains jours en comité d'engagement de l'ANRU. Alors, me dire qu'on va abattre tel ou tel arbre au 82 Anatole France à ce stade, c'est pour le moins prématuré. C'est inquiéter inutilement et de manière irresponsable, irresponsable, Edith Félix, les habitants. Je vous invite les uns et les autres à aller visiter les logements des habitants qui subissent des inondations constantes dans leurs logements. Je rappelle que depuis 18 mois, nous n'attribuons plus de logements au 82 Anatole France compte tenu de l'état du patrimoine. Je rappelle que les deux seules familles qui ont été relogées sur site l'ont été à la suite d'inondations et que nous en relogeons d'autres. Donc aujourd'hui, et je rappelle aussi qu'en 2017 ou 2018, lorsque nous avions un projet de reconstruction, démolition de la cité, et qui avait fait l'objet d'opposition de la part des habitants, d'inquiétude, j'avais pris l'engagement de revoir la copie. Donc aujourd'hui, le projet tel qu'il a été présenté à l'exécutif municipal cet été prévoit la démolition des deux bâtiments les plus anciens et la réhabilitation des autres. Les habitants que je reçois me disent « Mais monsieur le maire, il faut tout raser en fait. » Ce n'était pas le cas auparavant. 2017-2018, l'enquête sociale montrait que c'était très partagé. Un tiers des gens souhaitaient rester sur site, un tiers souhaitait rester à Bagnolet, un tiers souhaitait quitter la ville. C'était très partagé. Malheureusement, le bâti s'est dégradé, donc aujourd'hui, il faut intervenir sur la résidence. Et donc, la question de l'alignement des arbres sur la rue Anatole France, les services nous disent que c'est quelque chose d'extrêmement complexe à regarder. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, dire, dans le cadre de cette modification du PLUI, que le projet du 82 Anatole France, c'est-à-dire qu'on est faisabilité grossière, hein, donc ça veut dire pas de projet en cours de validation par l'État, pas de permis de construire. Donc dire aujourd'hui qu'on va abattre tel ou tel arbre, mais peut-être qu'il y aura des arbres abattus, peut-être. Mais à un moment donné, je pense, et je le dis de manière très ferme, intervenir sur le 82 Anatole France me paraît de salubrité publique. Voilà. Je rappelle que la ville est propriétaire de cette résidence qui a été construite en 1956 et que, en tant que propriétaire, maire de cette ville, je ne me vois pas faire intervenir le service d'hygiène sur des questions d'insalubrité dans notre propre patrimoine, en fait. À un moment donné, c'est de ça dont il s'agit. Donc on a pris le temps, on a cherché les financements. Le président d'Est Ensemble est à nos côtés pour engager ce projet, ce vaste projet de réhabilitation, parce qu'on est passé de la démolition de tout à la démolition de deux bâtiments. Et on réhabilite. Donc on est dans une démarche responsable, environnementale, mais effectivement, on va avoir besoin d'une parcelle pour engager l'opération de reconstruction. On a besoin de cette parcelle vide aujourd'hui pour engager l'opération à tiroir. Et on aura besoin de construire un premier bâtiment pour permettre de reloger au fur et à mesure les gens. Et il y aura des... Ça va être très complexe. Hein. Ça va être très, très complexe. Chacun connaît l'État. C'est des petits logements. Donc, un T4 va devenir un T3, etc., etc. Mais dire aujourd'hui que le projet du 82 à Natal-France remet en cause l'environnement sur la parcelle, franchement, voilà, j'ai les bras m'en tombent. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres interventions. Edith Félix. Oui, je vais redire ce que j'ai dit. Hein. Là, je parle des arbres qui sont sur la voirie. Et qui eux doivent rester. Et le projet respecte un certain nombre de platanes sur le terrain de boule. Juste j'avertis qu'ils existent et qu'il faut les conserver, mais le projet qui a été présenté conserve un certain nombre de platanes. La faisabilité. Lors du bureau municipal, l'exécutif s'est exprimé. Moi, j'ai exprimé le fait que. Il fallait que ce projet soit modifié pour que les arbres restent. J'ai demandé lors des instances une évolution du EPLU. On m'a dit que c'était trop tard. Voilà, donc je redis ce que je dis. Ces arbres qui sont sur la voirie sont absolument à conserver. Ce sont des arbres remarquables. Il faut l'ajouter dans les arbres, dans les alignements d'arbres à protéger dans le PLUI. C'est tout ce que j'ai dit. Et oui, je suis absolument consciente que le 82 aurait dû être une priorité. Ouais. Bien avant, et il est grand temps d'agir sur le 82. Oui, effectivement, le 82 Anatole France aurait dû être une priorité, mais je rappelle que des habitants, et c'est leur droit, et il me semble que vous en étiez, s'étaient opposés au projet de démolition-reconstruction. Enfin, à un moment donné, c'est bien de dire il aurait fallu intervenir avant, mais Madame Tigrine est là, elle se rappelle quelques conseils de quartier un peu sportifs en 2017, en 2018. Enfin, je veux dire, je ne suis pas fou, j'invente pas les choses. Je veux dire, il y a eu des... Donc, on a fait évoluer le projet. On prend en compte ce qu'ont dit les habitants. On prend en compte ce qu'a dit Jean-Claude Oliva. On prend en compte ce qu'ont dit d'autres habitants. C'est-à-dire qu'on ne rase pas. On réhabilite les trois quarts de la cité. On essaye de préserver ce qu'on peut préserver. Mais dire qu'en fait, il faut préserver les arbres d'alignement alors qu'on en est au stade des faisabilités. Et peut-être qu'il faudra raser, peut-être qu'il faudra abattre les arbres d'alignement. Aujourd'hui, j'en sais rien, mais peut-être qu'il faudra le faire. J'en sais rien, mais en tout état de cause, l'objectif... Mais moi, j'assume. J'assume, on ne peut pas me dire les gens vivent dans des conditions indignes au 82 Anatole France. On a présenté un projet qui a été validé par tout l'exécutif municipal, parce qu'à un moment donné, ça suffit de valider des projets en bureau municipal et d'aller en ville pour dire « Di Martino fait de la merde ». Vous voyez ? Donc, je parle un peu crûment, mais je résume l'état d'esprit d'un certain nombre d'entre nous. Donc, lorsqu'on présente des projets en bureau municipal, que les équipes techniques sont là, qui vous détaillent des choses, qui vous disent qu'on en est au stade des faisabilités, etc., etc., etc., pas venir 6 mois après et dire vous allez abattre des arbres et c'est pas acceptable. Mais alors, il faut aller l'expliquer aux gens du 82 Anatole France. Il faut y aller. Et il faut leur dire, quand on est présent au conseil de quartier, quand il y a des gens qui montent au créneau en conseil de quartier et qui disent que chez eux, il y a des inondations et qu'ils peuvent plus vivre là-dedans, il faut leur dire quand on est présent. Il faut leur dire. Et dites Félix. Oui, alors juste pour recentrer un peu le débat, parce que je pense qu'on a bien pris note, en tout cas, de ce que tu as dit en commission. Je crois que c'est plutôt Jean-Claude, je ne sais plus qui l'a dit, et ce que tu viens de dire en conseil municipal. En tout cas, aujourd'hui, on en est dans une étude de faisabilité. Et encore une fois, je pense qu'effectivement, on a pris note et ça ne sert à rien d'alarmer davantage. Maintenant, le sujet de cette délibération, ce n'est pas le 82 rue Anatole France. Ça viendra à un moment ou à un autre. Ça viendra assez rapidement, je pense, parce que la situation est urgente là-bas, d'un point de vue social. Là, en fait, on est sur la modification 3 du PLUI, qui fait un bond considérable dans la protection du patrimoine arboré. Donc si on peut se remettre sur ce sentiment-là, qui va dans votre sens, j'imagine, parce que je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une bonne chose que le patrimoine arboré soit davantage protégé. Y a-t-il d'autres remarques sur la modification numéro 3 ? Monsieur Buonnet. Oui, bon, il y a clairement deux sujets de discussion. Voilà, il y a effectivement. Non, mais recentrons, s'il vous plaît, monsieur Buonnet. Il y a effectivement. Vous observerez que j'ai attendu patiemment avant de demander la parole. Ah oui, il ne faut pas se couper la parole. L'opposition est très polie et assiste au débat interne de la majorité. Ah oui, mais ça, moi, nous ne sommes pas au bureau municipal, donc vos affaires internes ne sont pas à notre connaissance. Bon, donc là, pour revenir sur le fond du sujet, au-delà, pardonnez-moi l'expression, mais du spectacle de tiraillement interne à la majorité que vous donnez de manière récurrente. Bon, il y a deux sujets. Il y a le sujet, d'ailleurs je traiterai, parce qu'il est tard pour aller plus vite, je traiterai en une brève intervention des deux délibérations successives relatives au PLUI, puisqu'il y a une modification et une révision simplifiée, ou allégée, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, alors, sur le fond de ces délibérations, nous sommes favorables et nous voterons favorablement parce qu'effectivement, le PLUI d'Est Ensemble, qui a été fait de manière relativement rapide quand il a été élaboré par recollement des différents PLU communaux, était insuffisant, et ce n'est pas un reproche à quiconque, hein, c'est un constat sur les protections patrimoniales et paysagères. Il est très bien, il est très positif qu'aujourd'hui, par des modifications, etc., on complète cela, ça va dans le bon sens, et pour cette raison-là, nous voterons favorablement. Même si je peux partager ce que Edith vient de dire, c'est-à-dire qu'il y aurait sans doute besoin d'aller encore plus loin. Mais nous voterons favorablement, parce que c'est une première étape. Est-ce que je peux ensuite juste vous couper là-dessus ? On est d'accord. On est d'accord. Et la réponse qui a été apportée en commission, c'est un, on est d'accord, et deux, les services ont extrêmement travaillé. Ils me l'auront dit le lendemain de la commission où, effectivement, il y a eu de l'énervement. Mais toujours est-il qu'ils ont énormément travaillé et que c'est par manque de temps, ils me le reconfirmaient le lendemain, que tout simplement, ils n'ont pas pu analyser toute la commune. Donc, encore une fois, il y aura d'autres moments, et effectivement, à ce moment-là, les services auront le temps, et je pense que là, on l'a bien compris, où ils iront regarder d'autres patrimoines arborés qu'ils souhaiteront protéger. Donc, on est vraiment alignés. Mais maintenant, on ne peut pas demander non plus aux services, encore une fois, de travailler plus qu'ils ne peuvent. Vous êtes épatants tous les deux, parce que même quand je dis que nous sommes favorables et que nous voterons, vous m'interrompez tout de même. Je constate que c'est tellement dans vos gènes d'interrompre que même quand je dis que nous sommes d'accord, vous ne pouvez pas vous retenir d'interrompre. Bon, donc je redis que nous voterons favorablement à cette délibération. Après, par rapport à ce que nous avons pu dire, Laurent Jamais et moi, sur le point précédent sur l'ABF, le point de vigilance, et je ne fais aucun procès d'intention, je dis juste le point de vigilance, c'est que ces protections soient effectivement vérifiées, suivies, contrôlées. Parce que je ne veux pas rappeler un passé pas si ancien, mais il y a deux bâtiments rue Sadi Carnot, dont l'architecte des bâtiments de France, pour faire écho à la délibération précédente, avait demandé la conservation. Il y en a même un où, pendant des années, nous avons vu la trace du bâtiment qui devait être constitué. Ces deux bâtiments sont malencontreusement tombés. J'entendais Edith évoquer la question d'un cyprès rue Anatole France. On se souvient tous d'un cèdre rue Sadi Carnot qui a été abattu et qui, entre guillemets, a été abattu pour rien, parce qu'il n'y a eu aucune construction à cet endroit-là. Donc, c'était pas on abat un arbre pour faire du logement. C'était on abat un arbre, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être par commodité de chantier. Donc, tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des engagements de principe sur la protection de patrimoine, d'arbres, de paysages, et nous y souscrivons tout à fait. Reste à s'assurer que ça soit bien suivi dans les faits ensuite. Et puis, il y a le deuxième point qui, je vous le concède, n'apparaît pas à l'ordre du jour, mais qui, du coup, dont moi j'ai découvert en commission numéro 2 par les interventions d'Edith et de Jean-Claude l'existence et qui vient d'être réévoquée, il y a le point, effectivement, de la rue Anatole-France et du 82. Donc là, je pense, ce n'est pas la peine d'inventer des débats qui n'existent pas, je pense que sur la nécessité d'intervenir sur les bâtiments du 82 à Anatole-France, je pense que personne dans cette salle ne peut être opposé. On a des bâtiments qui, effectivement, vous avez rappelé, qui sont parmi les premiers logements sociaux construits après-guerre à Bagnolet. On a des bâtiments qui sont, vous l'avez évoqué, mais je m'en souviens bien, les derniers bâtiments, ce qui est d'ailleurs assez atypique, qui n'appartiennent pas à un bailleur social, mais qui, sauf erreur de ma part, appartiennent directement à la commune. Donc, le fait qu'il soit nécessaire, et j'entrerai pas dans des débats, j'ai entendu ce que vous avez dit, est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est... À la limite, peu importe. Aujourd'hui, je pense que nous convenons tous qu'il est impératif d'intervenir sur ce patrimoine. Et je pense qu'effectivement, parce qu'il est très dégradé, alors je pense qu'en même temps, il faut y intervenir avec délicatesse, parce que c'est aussi, sauf erreur de ma part, les logements les moins chers locatifs de notre ville. Donc il faut aussi que l'opération, et je ne sais pas si c'est le cas ou pas, donc je ne formule aucune critique ou quoi que ce soit, mais avoir une vigilance sur le fait que demain, après l'intervention, ça demeure toujours des logements peu chers parce qu'ils répondent à un vrai besoin sur la ville. Donc, sur le fait qu'il faille intervenir sur le 82 Anatole-France, je pense que nous sommes tous d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, plus sur cette opération on réhabilitera, mieux ça sera. Après, je pense que ce n'est pas nécessairement un très bon débat d'opposer les arbres et les habitants. Parce que je pense que des habitants, ils ont besoin à la fois d'un logement qui soit plus confortable, qui n'ait pas l'humidité qu'il a aujourd'hui, qui soit isolé, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je pense qu'en même temps, bénéficier des arbres, ça fait de mal à personne. Donc, je pense, moi, j'ignore le projet, puis j'entends, je l'ai découvert par le débat en commission, et j'entends des choses diverses. Je vous entends dire, c'est très peu défini. J'entends d'autres personnes dire, ah mais si, c'est très très défini. N'étant pas membre de la majorité municipale, et je finis juste ma phrase, et comme ça vous pourrez parler autant que vous voulez. Donc je ne connais pas le projet. Rendez-vous en janvier. Simplement, je vous dis, je pense qu'il serait intéressant d'avoir un projet qui cumule l'amélioration de l'habitat et la préservation des qualités paysagères. Voilà. Non, mais en fait, je pense qu'on peut avoir tous les dialogues de sourds qu'on veut. Rendez-vous en janvier pour une présentation publique. Pour une réunion publique à la population, c'est ce qui est prévu. Ce que je vous ai dit en introduction, c'est que la DRIL soutient ce projet. Maintenant, il faut obtenir l'aval de l'ANRU, parce qu'il y a des sujets de reconstitution de l'offre de logement. Okay, parce qu'à un moment donné, même démolir de bâtiments, il faut quand même reloger les gens. Et il vaut mieux les reloger avant qu'après. C'est aussi simple que ça. Donc pour reloger avant qu'après, il faut construire. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut se servir de la parcelle qui est aujourd'hui libre. C'est aussi simple. Donc, aujourd'hui, il y a des faisabilités qui ont été présentées par nos équipes, par les équipes d'Est Ensemble. On attend la réunion de l'ANRU la semaine prochaine et il y a une réunion qui est programmée, une réunion publique qui est programmée à la destination des résidents en janvier. Et il ne s'agit pas d'opposer l'habitat. Je ne parlerai pas de qualité de l'habitat, comme vous l'avez fait. Moi, je parle de dignité de l'habitat. Parce que là, on est sur la notion de dignité de l'habitat. Et il y a des logements, 82 à l'Anatole France, qui sont indignes. Mais nous sommes bien d'accord. Et qui seraient considérés comme indignes s'il s'agissait d'un propriétaire privé. Donc, voilà. Donc, il faut à la fois préserver les arbres, et ce sera le cas, tout en offrant des logements dignes aux habitants, avec le sujet des loyers faibles qu'on connaît aujourd'hui, avec certes des charges élevées, mais va y avoir un petit sujet peuplement. C'est pour ça qu'on travaille de manière très fine avec Est Ensemble, Habitat et avec les services de l'État, tout simplement. Et donc, dire aujourd'hui, vous allez abattre tel arbre, peut-être qu'on abattra des arbres, peut-être pas. Et en tout état de cause, l'objectif, c'est d'avancer, parce que c'est bien de parler, mais on a parlé du 82 Anatole France, la première fois, c'était en 2017. Donc, on ne va pas refaire l'exercice, d'autres exercices comme le collège, etc., etc. Jean-Claude Oliva. Oui, mais merci. Je ne veux pas revenir sur l'ensemble du débat. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ai juste une préoccupation. Effectivement, on parle là sur le 82 rue Anatole France d'un plan de faisabilité, ce qui veut dire que ça nous amène, si tout va pour le mieux, à des constructions d'ici 2 ou 3 ans. Moi, il y a des gens qu'on rencontre qui sont nos voisins, qui vivent dans des conditions lamentables, indignes, comme dit Monsieur le maire. Moi, je pense qu'il faut prendre des mesures conservatoires tout de suite. Voilà, il y a des gens qui sont là en ce moment, qui ont la pluie dans leur appartement. Mmh. Il faut qu'il y ait des travaux qui soient des travaux d'urgence qui soient engagés dans les prochaines semaines. On ne peut pas attendre 2 ou 3 ans. Et après, voilà, après on peut rediscuter de tout, mais voilà, il n'y a personne qui bloque ça. Il faut le faire, c'est notre responsabilité de prendre des mesures d'urgence cet hiver pour la population du 82 rue Anatole France. Mais les mesures d'urgence, on les prend, on reloge les gens qu'on doit reloger et on fait les travaux qu'on peut faire. Mais à un moment donné, Jean-Claude Oliva, c'est bien de dire il n'y a qu'à Faucon, mais concrètement, comment on fait et comment on chiffre et on va chercher où l'argent? Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Et en tout état de cause, dire aujourd'hui on ne s'oppose pas, si j'ai entendu le contraire tout à l'heure, mais j'aurais aimé entendre vos interventions avec autant de ferveur en bureau municipal. Parce que si vous voulez, moi, à un moment donné, je veux bien présenter tous les dossiers qu'on veut en bureau municipal, mais après, il faut porter jusqu'au bout le projet. Vous voyez ? Parce que le 82 Anatole France, ben, il était question de le démolir en 2017-2018. Tu t'en souviens, Jean-Claude ? Puisque tu faisais partie des gens qui s'y opposaient et que tu fais partie de ceux qui m'ont dit à l'époque, il faut réhabiliter partiellement le 82 Anatole France. Tu t'en souviens ? Tout à fait. Tu t'en souviens. Donc ça a mis un peu de temps parce que porter un projet, ça met un peu de temps. Et trouver les financements aussi. Trouver les financements aussi parce que jusqu'ici, l'ANRU n'était pas intéressé. Il y a eu des visites, hein, les services de la ville ont fait visiter le 82 Anatole France. Au service d'Est Ensemble, au service d'Est Ensemble Habitat et au service de l'État. Et si aujourd'hui la DRIL est convaincue de la nécessité d'intervenir sur la cité Anatole France, c'est parce qu'ils ont bien conscience des choses. Donc il faut avancer. Les mesures d'urgence qui devront être prises, eh ben, elles seront prises. Mais à un moment donné, il faut assumer. Et il faut assumer vis-à-vis de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et dire aujourd'hui, inquiéter inutilement les gens. Il y a eu la réaction, je n'ai pas commandé la réaction de Mme Tigrine et participe à tous les conseils de quartier. Une réaction spontanée. Je veux dire, à un moment donné, essayer de faire peur aux gens sur ce qui va se passer là-bas, et je pense que c'est pas responsable, on va dire. Allez, voilà, on dit ça comme ça. Et on aura l'occasion de présenter ce projet avec Est Ensemble Habitat et Est Ensemble en début d'année. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Je peux rajouter un mot? Ouais. Deux choses. Moi, c'est simplement ce qu'on demande. C'est pas nous qui opposons les arbres et le logement social. Ce qu'on demande, c'est que dans les objectifs du projet, on mette la conservation des arbres. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre cet engagement collectif de mettre dans les objectifs du projet d'avoir des arbres qui sont des arbres remarquables, qui sont conservés au plus grand bénéfice des habitants? Ensuite, je veux quand même redire un truc sur le bureau municipal, parce que le bureau municipal, les conditions font que ce n'est pas toujours facile d'avoir ce genre de discussion, ne serait-ce parce qu'on a, comme l'opposition au conseil municipal, nous, on a les 1000 pages trois jours avant et qu'on n'a pas forcément le temps de les travailler, de mûrir les choses et les dossiers, tout ça. Donc, voilà, on a, nous aussi, cette difficulté. Il n'y a pas 1000 pages sur 82 Anatole France, je rassure. Il n'y a pas 1000 pages, mais il y a 1000 pages, des fois, dans le, on a aussi des bureaux municipaux qui sont un peu... il y en a moins qu'avant. On a des bureaux municipaux sur le conseil, des bureaux municipaux sur les conseils municipaux, avec des documents qui sont envoyés 4 à 5 jours avant. Et encore, c'est quelque chose qu'on a gagné dans la période récente, parce qu'il y a quelques mois encore, on avait des documents qui étaient envoyés le jour même pour une réunion le soir. Alors vous imaginez les dossiers. Donc voilà, les conditions de travail ne sont pas toujours réunies pour qu'on ait des discussions argumentées et sereines. Donc c'est pas à nous qu'il faut en faire le reproche. Moi, je souhaite que ça s'améliore, et y compris que c'est un peu compliqué d'avoir un dossier. Même, je me souviens, certains projets immobiliers, on a le dossier dans la journée et le soir, il faut donner un avis. Ben non, ça peut pas se passer comme ça. Moi, je suis incapable de travailler comme ça. Ça n'arrive pas, Jean-Claude. Je n'ai jamais vu Jean-Claude. Si, moi, je peux te donner un exemple. Ouais. Et ben la pointe, là, le choix entre les entre deux projets, on a eu le dossier le jour même, et le soir, après la discussion, il fallait se prononcer et choisir sur un des deux projets. Et la pointe, non, on peut pas travailler comme ça. Le sujet original sur la pointe, c'est que tu as eu la possibilité de choisir entre deux projets. Tu as eu la possibilité de choisir un groupement professionnel. Eh ben moi, j'aurais aimé avoir trois jours pour lire les deux projets, pour en discuter avec mon groupe, et y compris pour avoir une discussion plus intéressante avec tous. Alors, d'abord, là, je vais juste répondre là-dessus, parce que je me sens un tout petit peu concerné, puis Edith prendra la parole après. Mais sincèrement, sur l'urbanisme, alors peut-être tu peux me donner effectivement un exemple, je ne m'en souviens pas du tout en réalité. Mais l'exemple déjà, c'est que pour une fois, il y avait le choix entre deux promoteurs et deux exemples de projets, et en plus de très beaux projets, et qui a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Monsieur Vionnel le redisait tout à l'heure, ils étaient plutôt enclins à voter contre, et puis tout compte fait, ils ont voté pour. Donc c'est même pas un sujet polémique. Je pense que c'est... je vois même pas pourquoi tu en parles en fait, parce que c'était une des rares fois sur l'urbanisme, tous les élus étaient plutôt pour, enfin étaient même pour. Donc c'est un drôle de sujet que tu mets sur la table. Maintenant, après, sur l'urbanisme, sincèrement, le nombre de fois où il y a eu des réunions de préparation, où j'ai fait venir aussi des conseillers municipaux à des réunions spécifiques pour exposer les projets, le nombre de fois où... on est une des rares municipalités où les promoteurs présentent leurs projets en bureau municipal. On est une des rares municipalités où les projets sont présentés en réunion publique. Donc, à un moment, on peut encore rajouter des réunions, mais il y a un souci de transparence et de co-construction sur l'urbanisme qui est énorme. Et sincèrement, je ne le vois pas dans toutes les délégations. Edith. Je vais essayer de répondre aux accusations d'irresponsabilité qu'on me colle. Donc ça, c'est quand même énorme. De manque de responsabilité, pas d'irresponsabilité. J'ai entendu aussi autre chose. Donc lors du bureau municipal, j'y étais, j'ai absolument exactement exprimé ça. Donc j'ai validé le projet puisque justement il y a urgence et pour moi la responsabilité elle est là. Évidemment, ça fait des années que j'avertis sur l'état du 82 et j'étais même étonnée que ce soit la rénovation de Louise Michel qui passe en premier. Ça n'a rien à voir, je sais. Ça n'a rien à voir, donc oui. Évidemment. Mais ça fait des années qu'il me semble très important de s'occuper rapidement, et je l'ai exprimé à Monsieur le Maire de nombreuses fois. Donc, vous connaissez mon attachement au 82 rue Anatole France et à ma très grande conscience de l'état des logements. Donc, j'ai effectivement validé. J'ai même été prise à partie par Mamadou parce que j'ai bien posé la question des arbres. J'ai dit que ce n'est pas pour moi pas compatible avec un projet d'enlever les arbres sur la rue. Et Monsieur Silla m'a demandé, mais donc tu es d'accord quand même avec ce projet? Et j'ai répondu oui, il faut le faire. Voilà. Donc je confirme que la question a été posée, que j'ai pris mes responsabilités. Et que donc, je pense qu'on pourrait même décider ce soir, ensemble, voilà, d'amender. Aujourd'hui, ce soir, le PLUI parle d'arbres. Voilà, moi, j'ai posé la question, on devrait, c'est important, protéger ces arbres. Voilà, donc, si aujourd'hui, on avait un accord, et si vous étiez tous absolument convaincus qu'on ne peut pas opposer... logement, enfin voilà, état des logements et qualité de vie autour des logements, eh bien, on pourrait décider tous ensemble ce soir d'amender le PLUI et de rajouter la protection des arbres rue Anatole France. Non mais ça ne marche pas comme ça. Là en fait, il faut Mamadou. Ça ne marche pas du tout comme ça. Laisse intervenir Mamadou. Mamadou. Mets ton micro. S'il vous plaît. Juste pour dire que je suis bien évidemment pour la protection des arbres, etc. Mais juste pour votre information, moi, ce n'est pas mon combat, les arbres. Je vous dis la vérité, moi, ce n'est pas du tout mon combat. Moi, c'est le logement. Donc, les arbres, en fait, je me rappelle plus vaguement de la discussion qu'on a eue. Du coup, voilà, c'est juste pour dire que les arbres, ce n'est pas mon combat. Bon. Oui, je... Donc, je vais recentrer le débat parce que, voilà, on a fait une petite digression intéressante où les propos ont été entendus. Et il y aura un débat en janvier, comme l'a dit M. le maire. Je pense qu'il faut que les débats soient... en temps et en lieu, au bon endroit et au bon moment. Donc là, je reviens sur le sujet du jour, la délibération. Donc, c'est la modification 3 du PLUI. Et en tant que PPA, il nous est demandé d'émettre un avis. Donc, qui est pour ? Je me permets de dire qu'il y a plusieurs minutes, j'avais demandé la parole, comme je suis un garçon poli. Ah, je n'avais pas vu. Comme je suis un garçon poli, je vous ai laissé... échanger entre vous. On a d'ailleurs un peu le sentiment, l'opposition, d'être des intrus dans cette salle, puisque on assiste... En fait, vous permettez la libération de la parole. On assiste, voilà, on va dire ça. J'ai pas très bien compris, d'ailleurs, les rires tout à l'heure. J'ai pas très bien compris avec mes collègues ce qui était drôle, mais peu importe. Bon, je voulais juste dire une chose. Sur une question de méthode, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le 82 Anatole France est un sujet extrêmement sérieux. Vous l'avez dit vous-même, et je le partage, qu'il y a une question de dignité de l'habitat. Du coup, je trouve qu'il aurait été bien que cette question arrive au Conseil municipal comme un vrai sujet, parce que, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a déjà eu des questions en 2017 et 2018, et là, ce sujet... Je m'excuse, mais s'il vous plaît. J'ai écouté très silencieusement vos longs échanges internes. Donc, j'essaye juste de finir ma phrase. Ce sujet est un sujet très sérieux, et du coup, je trouve qu'il aurait été bien qu'il vienne au conseil municipal, autrement qu'un peu par la bande, parce qu'il est arrivé, et j'en remercie plutôt Edith et Jean-Claude, parce que sinon, nous ignorions... l'avancement de ce sujet. Il est arrivé un peu par accident en commission. Je pense que le sujet est suffisamment sérieux, qu'on est tous, on en parlait il y a quelques instants en aparté avec mon collègue Mohamed Jenan, il y a quand même des très très fortes inquiétudes.